une chanson de fin de soirée. Tiens, d'ailleurs, en parlant de soirée, il y a Rihanna qui est à Paris en ce moment. Elle a passé la soirée au Duplex, une des grandes, grandes boîtes parisiennes. Et lui était avec elle pour lui servir des Virgin Mojito toute la soirée. C'est Tristan Sarah. C'est pas faux. On retrouve pour les news. Et juste après, c'est Camille qui arrive avec votre loyer à gagner à 6h20. Pour s'inscrire, comment on fait, Tristan? Je sais pas. On envoie le loyer au 7-12-13, bien sûr. Simplement. Bon, on te retrouve pour les news, c'est meilleur en météo, je crois. Ouais. Et on commence par la météo avec des averses aujourd'hui sur les côtes de la Manche. Sinon, ce sera du grand soleil sur le reste du pays. Un mercure à 20 degrés en moyenne ce matin. Ça grimpera jusqu'à 29 degrés cet après-midi du côté de Toulouse, 23 à Marseille, 24 à Paris et 27 à Bordeaux. Météo France qui a placé la Martinique en alerte rouge. La tempête Matthew souffle actuellement sur les Antilles françaises. De fortes pluies, des orages, des vents violents et une mer agitée. Déjà 20 000 foyers privés d'électricité et la Guadeloupe est, elle, en vigilance orange. Des multiples agressions et des mutineries, la sécurité en prison se dégrade. Les syndicats de surveillants appellent à des actions ce jeudi avec blocage des centres pénitentiaires. Ils dénoncent la surpopulation carcérale, 70 000 détenus actuellement pour 60 000 places. Ils craignent que les prisons deviennent des usines à terroristes. Le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu son jugement. 11 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme pour les émeutes de Moirans. Un homme a été relaxé au bénéfice du doute. L'un des condamnés a l'intention de faire appel. Bernard Squarcini a été mis en examen dans la soirée, une longue liste de délits présumés pour l'ancien patron du renseignement. Trafic d'influence, détournement de fonds publics ou encore recel de violation du secret de l'instruction. Enquête en lien avec le groupe LVMH. La durée de validité des chèques est repassée à 1 an. Décision des députés hier soir contre l'avis du gouvernement. Les élus ont estimé que la réduction à 6 mois aurait bousculé la vie des personnes âgées et pénalisé les propriétaires de chambres d'hôtes. N'hésitez pas à faire le plein ce matin, c'est un petit conseil. Les prix des carburants devraient rapidement repartir à la hausse. Les pays de l'OPEP ont décidé hier soir de fermer les robinets. Moins de pétrole pour soutenir les prix à la pompe et rééquilibrer le marché. Les drapeaux seront mis en berne aujourd'hui en Israël en hommage à Shimon Peres, décédé hier à 93 ans. Sa dépouille sera exposée au public aujourd'hui à Jérusalem. Israël qui se prépare à recevoir de nombreux dirigeants de la planète demain pour les obsèques. François Hollande a invité Nicolas Sarkozy à s'y rendre avec lui. L'actu sport et le PSG désormais en tête de son groupe à l'issue de cette 2e journée de Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens sont allés s'imposer 3-1 hier soir à Sofia en Bulgarie face à Ludogorets. Un but de Matuidi à la 41e minute, suivi d'un doublé de Cavani en seconde période. Prochain match pour Paris le 19 octobre contre Bâle. Il y a aussi de la Ligue Europa ce soir, 2e journée également. Saint-Etienne qui reçoit Anderlecht à 21h05. Et Nice affrontera le FC Krasnodar en Russie dès 19h. Et c'est aussi aujourd'hui autour de 14h que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus pour les prochaines rencontres de l'équipe de France. Le 7 octobre face à la Bulgarie, le 10 octobre contre les Pays-Bas. 2 matchs qualificatifs pour le Mondial 2018. Enfin du basket pour toi Robin, avec la toute dernière rencontre des 16e de finale de la Coupe de France. Saint-Chamond reçoit Limoges ce soir à 20h. Le Mans a battu Cholet hier sur le score final de 84 à 68. Voilà pour l'actu. Tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Cas de Besançon, nous sommes le jeudi 29 septembre et je suis prête pour aller faire mon jogging quotidien. Je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France. Bonjour. Bonjour ma petite Jessica, comment vas-tu? Ah écoute, super bien, je suis super contente de vous entendre avant d'aller courir. Eh ben t'es un amour ma chérie, quel courage de partir courir le matin alors. Comme ça. Ah ouais. Ça va alors? Ça va et toi? Ça, tu te rembrailles? Oui, non, j'ai pas eu le temps de finir de m'habiller. Ben, je vous rassure, t'as mis. Mais on sent qu'elle est encore en tombe. Oui. Oh là là là, ça y est, c'est bon. Allez, ça y est, elle est prête, elle est prête. Il y a Clément qui est là aussi. Salut Clément. J'ai pas eu le temps de finir de faire pipi, je termine. Il est bête. Clément qui arrive encore avec des questions de ouf, des réponses à tout. Bien sûr, c'est toutes les demi-heures dans le Virgin Tonic. J'aperçois la Ginger. Salut, bonjour. Comment tu vas, Ginger? Bah, ça va, mais j'ai un peu mal au cul. Je me suis mis au sport hier. Au cuisse. Qu'est-ce que j'ai dit? On a compris la même chose. Ouais, on a tous compris la même chose. Je suis désolée. Non, j'ai mal au cuisse. Non, mais le is dans cuisse est important. Désolée. Bah voilà, au cuisse. Parce que tu t'es mis au sport. Oui, voilà, j'ai ma salle de sport qui a ouvert depuis un mois et c'est la première fois que j'y vais, donc c'est cool. T'es inscrite depuis un mois? Tu vas pour la première fois? Bah ouais, il a fallu le temps de me motiver. Ouais. Et tu verras au bout de 3 fois l'abonnement. Non, je vais le faire, je vais le faire. Bien sûr. Il y a notre petite Pauline qui est au standard, bien sûr. C'est comme ça que Jessica est passée sur l'antenne. Elle nous a appelé au 3916, c'est le numéro pour te joindre. Mais oui, c'est mon numéro, pas personnel, mais opérationnel. Opérationnel. Voilà. Bah tiens, puisque c'est toi qui sélectionne les gens, tu vas nous dire les cadeaux qu'il y a à gagner ce matin encore. Et bien, bah, il y en a plein. Alors il y a des PS4. Ouais. Avec le jeu FIFA, on est sur le 16, le 17. Le 17, parce qu'en fait, c'est par rapport à l'année. Et oui, voilà. On marche ça alors qu'on est en 2016. Mais... Oui, bah justement. Et oui, il y a des casques Sennheiser Momentum, d'une valeur de 320 Momentum. Euros. Momentum. Et aussi des séjours à La Réunion. Un truc de malade, genre 7000 euros, c'est la fête, on va zouker, quoi. Et il y a aussi des iPhones, il y en a deux, non, ce matin. On a deux iPhones à vous offrir ce matin. Elle me vole, mon tizi. Ah, bah attends, j'ai volé. Il y a Pauline, elle faisait super bien. Redis-nous La Réunion, on va faire quoi? On va zouker, on va manger des acras, on va voir des volcans en éruption, on va plonger avec des requins. Pas dans les volcans d'éruption. Non, mais de loin, mais c'est incroyable. Ah ouais. J'ai des copains qui habitent là-bas, ils me disent viens à La Réunion, tu verras jamais ça de ta vie ailleurs. C'est cool, incroyable. J'arrête pas de dire alors aussi, viens à La Réunion à 10h, elle est jamais. J'ai pas le temps. Jamais elle est venue, oui Clément. Dis-lui que c'est une valeur de 7000 euros, ça peut marcher La Réunion. Ouais, voilà. Et donc le pack Brossard, c'est et ça les iPhones? Oui, iPhone 7, la Brownie, Big Brownie Party, et aussi des Brownies à volonté pour prendre 10 kilos et aller les perdre à la salle de sport avec Ginger. Eh bien bien sûr, Brownie à volonté, iPhone 7, et donc un concert privé à Paris pour la Big Brownie Party. Ça sera qui l'artiste alors? David Brownie. Oh là là. J'adore. Si vous étiez avec nous hier, alors ce que j'aime le plus, c'est le visage de Laure qui fait cette blague. Elle est tellement heureuse de sa blague. Oui, Clément. Et en première partie, David Gâteau. Ah ouais. Alors, non. David Guetta, David Gâteau, non? Non, non. Ça marche pas? Non. Ok, on va. Non, non, non. Ok. Je n'avais même pas compris. Bah, il est 6h, hein? Non, non, c'est parce que vous étiez pas réveillé, la vanne extraordinaire. On entend tout avec cette vanne. T'aurais pu me dire un film, Brownie and Clyde. Ouais, à la limite, mais David Gâteau. Bah, David Guetta, David Gâteau. Oh là, parce qu'un film à une soirée DJ, je me suis dit, ça marche pas. Merci à vous, merci. Oui, Pauline. Et hier, quand même, en sortant de l'émission, Laure m'a mis un petit coup dans le bras en me disant, t'as vu la blague, je l'ai placée, hein? De David Brownie. Oh là là là. Je voudrais qu'on embrasse aussi Robin, notre réalisateur qui est avec nous jusqu'à 9h et qui est là depuis 5h à vos côtés. Exactement. Il est en train de manger un Guetta. Je mangeais un peu, désolé. Mais c'est normal, il est là depuis 5h, on vous lâche pas. Hein. 5h, 9h chaque matin. Et puis il y a Nico du bureau qui est là. Oui, je suis un peu dans le stress aujourd'hui, j'avoue. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour ici. Demain, on emménage dans notre nouveau studio. Et j'avoue que tout n'est pas totalement prêt. Enfin, d'un point de vue technique, tout est prêt. Par contre, effectivement, il y a un petit côté déco. Et j'ai dit alors que c'est bien, ce sera l'inverse du studio actuellement où niveau déco, on est bien, mais niveau technique, c'est plus compliqué. Quoi. Ouais, j'ai dit alors, occupe-toi de la déco. On a un petit deal avec But qui peuvent nous fournir des meubles. Et elle est sur le site de But et elle a fait un peu n'importe quoi. Elle a fait une rasia. Elle a fait une rasia, c'est gratos. Oh, les amis, on est tellement heureux. Ouais, t'étais au courant de ça, ma Jessica? Bah oui, évidemment, je suis l'émission. Là, demain matin, en direct avec vous, et ce sera notre première dans nos nouveaux studios. Notre nouveau studio, d'ailleurs, il n'y en a pas plusieurs. Ouais. On aura un nouveau studio, on change de ville, on change de studio, ça va être un truc de fou. Et vous découvrirez toutes les photos, bien sûr. Et je rappelle, un mur entier avec toutes vos photos, n'hésitez pas à les envoyer. Et voilà, on sera content d'avoir tous vos sourires le matin. On veut que vous soyez avec nous chaque jour dans le nouveau studio, Clément. Et justement, sur ce mur photo, il y a des photos dossiers, tout le monde a un peu fouillé. Et il y en a une extraordinaire, la personne n'est pas au courant. Il y en a une, peut-être qu'on a récupéré dans son téléphone. Photo très sexy de la personne, mais comme ça en petit, on verra. Mais quelqu'un de l'équipe a peut-être fait des photos d'elle un peu dénudée. Et ben on jouera ça demain. Ça veut dire que dans tout, parce que c'est immense, hein, prendra tout un mur, et dans toutes ces milliers de photos, il y a une photo dossier d'une personne de l'équipe en tenue sexy. Ah, bah, complètement. Tu sais qui c'est, quoi, pas du tout, tu la prends là. Bah, moi, j'ai pas vu la photo encore, mais on m'a dit j'ai récupéré ça et on l'a glissé parmi les 5000 photos. Vous savez quoi, reste avec nous. Dans deux minutes à peine, on vous dit qui est la personne de l'équipe, je ne sais pas non plus. Et demain, en direct dans ce studio, on recherchera la photo sexy. On mettra quelqu'un de l'équipe qui aura toutes les missions pour retrouver cette photo. Mais ça me fait pas rire. Non, mais on sait pas si c'est toi. Bah, imagine, c'est moi. Et ben, on le saura dans quelques minutes. C'est peut-être moi aussi. Ah non, sexy, c'est pas moi. Jessica, merci mille fois d'être avec nous le matin. Merci d'avoir inauguré cette nouvelle émission. C'est jeudi, aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon réveil. Beaucoup de courage à vous tous. C'est votre loyer qui est à gagner, comme chaque matin, dans quelques minutes à peine déjà. Dans moins d'un quart d'heure, hein. Déjà un premier gagnant. Loyer au 7-12-13 par SMS. Et alors, comment mieux démarrer une matinée qu'au son d'Adèle? Ah, franchement, ouais. Send my love. Excellent réveil à tous. Alors, elle envoie son amour au tarif en vigueur, bien sûr. Affranchi, bon réveil. Hi, I'm Adele and you're listening to Virgin Radio. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Aujourd'hui, le 29 septembre, vous êtes dans le Virgin Tonic. Un grand bonjour à vous tous. Courage à ceux qui ont bossé la nuit aussi. Hein, parce que je dis bon réveil, mais il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit. Les veilleurs de nuit, les boulangers, les pâtissiers et les agents d'entretien. Ouais. Et oui, hier pour le premier loyer à 6h20, on a eu Delphine. Elle était mignonne comme tout de Brest. Ouais. Elle m'a dit, tu dis pas assez bonjour aux agents d'entretien. Eh ben, je vais rectifier le tir, ma grande. Vous faites pas confiance. Je pense très très fort à vous. Je sais que vous êtes dans les bureaux en train de tout nettoyer. Voilà, pour que tout soit prêt le matin. Il y a Laure, il y a Clément. Bonjour. Salut. Il y a la Pauline du Standard. Et il y a l'Institut Novatrice. Ah. Qui me donne des chiffres tous les jours avec 8%. 8% des Français pensent que ceux qui portent des lunettes sont plus intelligents. Je vous dis pas qu'ils le sont. Je dis juste que quasiment un Français sur 10 pense que les gens qui ont des lunettes sont plus intelligents. Laure. C'était mon rêve de porter des lunettes à l'école. Et t'étais pas assez intelligent? Justement, je me disais peut-être que je vais me faire accepter. Moi, je voulais des lunettes, des bagues, un plâtre et des béquilles. C'était mon rêve. Quoi? Non, je te jure, c'est vrai. Mais attends. En fait, tu rêvais de te faire rouler dessus par une voiture. Ah non, mais c'est un vrai truc. C'est très bizarre. Il y a plein d'enfants comme ça. Clément. Moi, en CP, j'enlevais les carreaux de mes lunettes de soleil. Je partais avec ces lunettes-là et mes copains m'appelaient François Mitterrand alors qu'il avait même pas de lunettes. C'était genre, c'est un homme politique, quoi. Il y a des moments comme ça où on se sent intelligent. C'est dur. Peut-être quand on met des lunettes. Moi, je sais que c'est rare. Quand je regarde question pour un champion et que j'ai la réponse avant les champions. Ah ouais, bien sûr. Les amis, c'est rare. Hein, je vous montre pas. Mais t'es là et tu dis, c'est ça. En général, vous savez, c'est genre sur la musique. Parce que de temps en temps, donc, quelle est cette chanteuse anglaise numéro 1 depuis 3 ans partout dans le monde? Et toi, tu sais que c'est Adèle, mais eux, c'est des bibliothécaires. Donc, c'est pas Adèle. Et là, t'es là, tu fais aller ringard. Quel moment tu te sens intelligente, Pauline? Ben, moi, quand j'écris mes mémoires en terrasse, tu sais, je me mets en terrasse et j'écris, en fait, je fais la liste de mes courses sur un carnet. On dirait que j'écris écrit mes mémoires, tu sais, que j'écris un livre. Les gens, ils doivent se dire, je suis captivante. Oui, voilà, alors que c'est des courses, quoi. Bah, tout simplement. Laure, à quel moment tu te sens un peu plus intelligente, toi? Moi, c'est pas le moment où je me sens plus intelligente, c'est le moment où j'essaye de me donner un air intelligent. C'est quand je fais les devoirs avec ma fille. Enfin, j'essaie juste de faire genre, je comprends, quoi. Tu mets un stylo dans la bouche comme ça, normal, et on voit un carré plus décarré. Les amis, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. On est là, vous le savez, jusqu'à 9h. On pense très très fort à vous. Et on a un loyer à vous offrir dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son des Chainsmokers. Bon réveil. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Il y a déjà des gens sous la douche, déjà des gens en train de préparer le petit-déj, des gens énervés par ma voix qui me snooze parce que je suis en train de les réveiller et qu'il est un peu trop tôt pour vous encore. Rassurez-vous, je serai aussi là dans 7 minutes quand ça ressonnera, puisque c'est le loyer qui va arriver dans quelques secondes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Laissez-moi bien votre numéro de téléphone. Premier gagnant de la matinée, c'est dans un instant. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer. loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Un temps toujours très agréable aujourd'hui à travers tout le pays. Le soleil va bien briller sur la plupart des régions. Des nuages accompagnés de fines pluies uniquement sur les côtes de la Manche. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Brest, 19 à Deauville, 20 attendus à Lille, 22 pour Nantes, 23 à Rennes, Marseille et Nice, 24 degrés à Paris, Valence et Chambéry, 25 à Strasbourg et à Perpignan. Vous aurez 26 à Lyon, 27 à Bordeaux et la maximale 28 pour Toulouse. La pluie va se renforcer demain sur de nombreuses régions. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Kungs au 88 000. Venez danser sur This Girl de Kungs versus Cooking on Three Burners. Envoyez Kungs, K-U-N-G-S au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Kungs en sonnerie. Kungs au 88 000. Abonnement 3 € par semaine DGP. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Kungs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, Sia Venner, Charlie Puth, Julian Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Le temps qui passe, le poids du quotidien, la peur des habitudes, votre couple est-il assez fort? Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Moitié, MOITIE au 73202. Un an, 3 ans, toute votre vie. Envoyez Moitié au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau The Chainsmokers. Le nouveau Shawn Mendes. Le nouveau Feder. Petit Biscuit. Virgin Radio. Rock Electro. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, bienvenue dans le Virgin Tonic. Vous êtes ici à la maison, bien sûr qu'on est heureux de vous entendre entre 6h et 9h. Vous pouvez nous joindre au 3916 et puis surtout, vous pouvez vous inscrire pour le loyer. C'est tous les matins le loyer, 6h20, 7h20 et 8h20. Si vous inscrivez par SMS, c'est loyer au 7, 12, 13. Et on a 3 gagnants par matinée. Hier, plus de 3 000 € de loyer, ouais. On sait encore. Et là c'est parti, on y va, nouveau tirage. Parmi tous les SMS reçus, on rappelle une personne. Cette personne-là, elle décroche, on lui demande quelle est la seule radio à faire ce beau cadeau. Vous me dites Virgin Radio et c'est gagné pour vous. Ça marche pour les propriétaires aussi, hein. Mensualité. Allô, oui. De crédit. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour, qui est là? Alan. Alan, bonjour Alan, j'ai une question pour toi. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin. Comment? Virgin Tonic. On l'entend mal, Alan, mais on a réussi à entendre le plus important. Tu as deviné quelle radio c'était. La seule radio à te faire ce beau cadeau. Alan, tu viens d'où? On l'aura pas là. Non. Écoutez, on est en cynisme, mais en même temps c'est normal, hein, cette heure-ci très tôt. Vous êtes peut-être pour certains au travail, d'autres sous la douche, tout ça. C'est pas grave. Le plus important, parce que vous le savez, je le dis souvent, si vous ne décrochez pas, si ça raccroche à mon Virgin Radio, on n'a pas le droit de vous rappeler et on ne peut pas vous faire le chèque. Là pour Alan, ça y est, maintenant on aura toute la journée pour le rappeler tranquillement. Quoi qu'il arrive, c'est lui le gagnant. Je ne sais pas quel était son loyer. Je te le dirai, je vais le reprendre, je te le dirai. Ouais bah merci ma popo. Oui Clément. J'ai un pote qui s'appelle Alan, tout le monde lui fait la même blague, on lui envoie, vous rappelez d'Alan Théo. On lui envoie toujours Alan Théo, il dit on est là-bas et on dit emmenez-moi. C'est une très bonne blague à faire, voilà. Emmène-moi. Voilà. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I know. Mais pourquoi il chante en anglais celui-ci? Il est bilingue. Ouais. Emmène-moi. Ah, j'adorais. T'es mieux ou pas? Non, moi, non, pas du tout. T'aimais pas, toi? Non, moi, j'étais plus David et Jonathan. Bah, non, c'est pas la même époque, quoi. Oh. C'est pour ça, à peu près. David et Jonathan, ça pourrait être les parents d'Alan Théo. Oui. Ah bon? Alan Théo, ah bah, c'était 97. C'est 97, c'est l'époque de T'enlèves la cédille et tout, là. Mais pas du tout, c'est 2007. Non, mais tu confonds tout. Bon, les amis, bravo encore à Alan. Ah, il est revenu apparemment. Alan? Oui. Ah, on te réentend un petit peu. Mon poteau, juste une question. Il est de combien ton loyer? 830 €. Eh ben écoute, mon poteau, on est ravis de te faire le chèque. T'es le premier gagnant de la matinée. 830 €. C'est important pour mes comptes. Alors je mets un petit peu sur mes comptes, voilà, 830 € côté charge. Merci à vous les amis, c'est mercredi, c'est jeudi d'ailleurs aujourd'hui, le 29 septembre, prochain tirage au sort pour le loyer. Ne bougez pas, c'est à 7h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et tout de suite le son des Strombellas, c'est parti. Bonjour tout le monde, nous sommes les Strombellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. À vous tous, c'est jeudi, c'est le 29 septembre. Et courage à vous les amis, à bientôt à 6h30 déjà, à bientôt un nouveau point sur l'actu et puis le réponse à tout de Clément Lincrus qui arrive. Vous êtes peut-être encore à la maison, peut-être sous la douche, peut-être en train de prendre le petit-déj, nous en tout cas, on est là. Et justement, tiens, puisqu'on parle de douche, j'ai une info énorme. Ouais. C'est une étude sur le site du magazine Le Point. Sachez que les gels antibactériens serait mauvais pour la santé. Ah, ça irrite ? En fait, exactement. Il favorise l'irritation de la peau, mais aussi, c'est quand même hallucinant, des nausées et des maux de tête. Ouais. Ouais, ça sent hyper fort, rien ne vaut un petit pouce-pouce. C'est pas bon là, les gels. Alors, gel antibactérien, vous savez, c'est les gels hydroalcooliques. Ouais. Rien vaut un petit pouce-pouce là. Bah oui, bah tu mets, t'appuies, tu te laves les mains, c'est normal. J'aime pas trop les savons. Ah ouais ? Durs. Ouais. Ouais. Savon dur. Ah oui, non, bah pour moi, c'est pousse-mousse ou rien. Bah, je suis d'accord. Savon dur, je trouve qu'il reste des petits poils dessus. Ouais. Ça fait moins clean. Pauline, au standard, j'ai l'impression de la choquer. Bah, ça me choque. Moi, je préfère les savons durs parce que tu frottes et tu nettoies vraiment tes mains. Et quand il y a des petits grains dedans, en plus, ça te fait un petit gommage de la main. Ouais. Ce qui fait des mains extrêmement douces. Je préfère le gel douche. Mais il y a un truc juste, j'aime bien les savons, c'est dans les hôtels parce qu'ils sont petits. J'ai l'impression d'avoir des gros muscles. J'ai l'impression d'être. Oh, je suis costaud. Oh, je suis costaud. Mais sinon, le savon lui-même, j'aime pas ça. Comment on appelle ça d'ailleurs, un savon comment ? Savon dur. Un savon dur. Un savon dur ? Bien sûr. Bah, j'aime pas, Clément. Non, mais tous les gens un peu maniaques n'aiment pas trop les savons durs parce que du coup, t'es obligé de nettoyer le savon avant de te savonner toi. Ah, c'est assez bizarre. Tu le nettoies. Ah ouais, non, mais puis ce poil qui est dessus, il t'enlève tout. Puis le packaging, pardon, hein. Bah, on va faire un grand débat. Vous savez quoi ? Il est temps de faire du débat. J'aime bien les débats comme ça. Je sais qu'il y a d'autres radios qui sont en train. Est-ce qu'il faut voter les Républicains, le Parti Socialiste ? Nous, j'aimerais lancer un débat. Savon dur ou gel douche ? Gel douche, le packaging des gels douches comme il est beau. Gel douche, mais savon liquide quoi. Ouais, pousse-mousse quoi. Oui, bah, ça va, savon liquide. Nico du bureau. Je vais vous faire aller sur la team savon dur. Pourquoi ? Une seule raison, je vous explique. Le gel douche là, quand tu fais une petite pression, tu pars, le savon il devient dur. tu reviens, non. Tu reviens, tu remets une petite pression et là tu te prends un jet sur la chemise et tu pars au boulot. C'est vrai que le petit bout qui durcit après, du coup, il s'appart dans des endroits que tu n'attendais pas, quoi, tu vois. Ah, donc dans les yeux. D'accord, c'est du savon pour les yeux. Oui, Pauline. Oui, alors tu parles du packaging des savons durs. Il y a des packagings hyper beaux. Genre, toi qui connais bien Marseille et tout, il y a les petites boîtes en fer, c'est super joli. Non, mais attendez, les amis, vous connaissez ma passion du savon de Marseille. S'il le faisait pas en gel douche, je pourrais pas critiquer. Là, je t'avoue, même le petit Marseillais et tout, le savon de Marseille, je le prends en gel douche. Vous savez aussi pourquoi ? On peut aussi laver la vaisselle avec. Oui. Quand il n'y a plus de lave-vaisselle, quand il n'y a plus de liquide vaisselle. C'est vrai, moi aussi je fais ça, mais avec du Tahiti douche. Bah oui, mais quand t'as plus de vaisselle, tu peux laver ta vaisselle au Tahiti douche. C'est déjà arrivé. Bah ça arrive en urgence, Clément. Et puis les boîtes en fer, ça rouille. Donc voilà, team pousse-mousse. Pousse-mousse, on est un pousse-mousse pour Clément. Pousse-mousse, Laure. Tu poussais sa mousse. Toi, pousse-mousse. Oui, bah oui. Pour l'instant, on est trois. Nico. Moi, savon dur. Toi, savon dur. Pauline. Moi, savon dur. Oh, vous êtes nul. Ginger. Savonnette aussi, désolé. Oh là, c'est vachement économique. C'est pire en plus. Que savon dur, savonnette. Non, je suis team savonnette. Les amis, réagissez sur les réseaux. Hashtag team savonnette, hashtag team gel douche. Je sens que le gel douche va gagner. Tiens, Marc, au standard, mon pote, tu serais quel team, toi? Ah, sans hésiter. Sans hésiter Camille, sans hésiter l'équipe, le pousse-mousse. Ouais, il y a des parfums incroyables. Ça te glisse pas des mains. C'est voilà, puis c'est l'évolution. On a voilà, si on abandonne les savons durs, c'est pas pour rien. Bah exactement, bah excusez-moi. C'est comme ça. Mais il a bien raison, mais c'est comme là, vous savez quoi, votre team savon dur, et ben vous savez quoi, ben venez au travail à cheval si vous aimez passer. Pardon, mais on a des bagnoles, quoi, alors. Ouais, et puis en plus le savon liquide, quand il y en a plus, il y en a encore, alors que le savon dur, on remet de l'eau dedans, ça refait des trucs. Vous faites quoi avec votre savon dur? Vous êtes perdu. Voilà les amis, on est à 3 voix, à 4 voix contre 3, c'est Marie qui va décider. Marie, savon dur ou gel douche? Salut Camille, alors moi attention, l'heure est grave, moi je suis pour la team savon dur parce que c'est naturel. Faut sauver la planète, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et en plus, une fois qu'il en reste un petit bout, je le mets dans mon linge tout dur. Et j'ai mon linge qui sent très très bon. Oui. Ah, bonne idée. Double usage. J'avoue que c'est une bonne idée. Eh, change pas de team, toi. Non, change pas de team. Attention, les amis, Robin, notre réalisateur, il a 11 ans. Il vous accompagne tous les jours avec le warm-up entre 5h et 6h. Robin sera la dernière voix pour le moment. 4 voix pour le savon dur, 4 voix pour le gel douche. Restez avec nous, on fait un point sur l'actu là, 2 secondes à peine avec tous nos journalistes. Et on est de retour sur Virgin Radio avec vous. Et c'est Robin, il a jamais eu autant de responsabilités. Robin va décider quelle est la team qui gagne, en sachant que s'il ne choisit pas ma team, ce sera sa dernière. On revient tout à l'instant, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une très belle journée aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Des averses uniquement sur les régions bordées par la Manche. Soleil partout ailleurs et un mercure à 23 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 23 à Marseille, 24 à Paris, 25 à Strasbourg et 27 à Bordeaux. Dans les Antilles, on retient son souffle au passage de Mathieu. La tempête tropicale touche la Martinique, placée en alerte rouge. La Guadeloupe et elle en vigilance orange. Les fortes pluies et les rafales de vent ont déjà provoqué des dégâts en Martinique, qui a décidé de fermer ses écoles et ses crèches. Une cellule de crise est en place. Le ras-le-bol des surveillants pénitentiaires, ils dénoncent une dégradation de la sécurité en prison. Les syndicats appellent à des actions ce jeudi, notamment des blocages d'accès au site. Nos prisons accueillent 70 000 détenus actuellement pour 60 000 places. On va à la catastrophe, selon le syndicat UNSA Justice. 48 heures de garde à vue et un interrogatoire chez les juges. Bernard Squarcini a été mis en examen. L'ancien patron de la DCRI est suspecté de trafic d'influence et notamment de détournement de fonds publics. La France va rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, un hommage national célébré le 14 octobre à Nice, en présence du chef de l'État. Premier hommage national décentralisé, la cérémonie devrait avoir lieu sur la colline du Château, un belvédère du Vieux-Nice, surplombant la baie des Anges. L'attentat djihadiste a fait 86 morts et plus de 400 blessés, fauchés par un camion sur la promenade des Anglais. Le crash du vol MH17 en Ukraine, les premiers résultats de l'enquête néerlandaise ont été révélés hier. Ils montrent que le missile utilisé avait été acheminé de Russie et tiré depuis une zone rebelles. 298 passagers à bord du Boeing de la Malaysia Airlines. La Russie a qualifié l'enquête de biaisée. En sport, le foot et deuxième journée de Ligue Europa. Ce soir, Nice sur la pelouse russe de Krasnodar dès 19h, puis Saint-Etienne face à Anderlecht à partir de 21h05. De son côté, le PSG a pris la tête de son groupe hier soir en Ligue des Champions en s'imposant 3-1 sur Ludogorets. Didier Deschamps dévoilera aujourd'hui vers 14h la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, le 7 octobre contre la Bulgarie et 3 jours plus tard, le 10 octobre face aux Pays-Bas, deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Et puis suite et fin ce soir des 16e de finale de la Coupe de France de basket, la rencontre Saint-Chamond de Pro B face à Limoges à 20h, le maintenant du titre s'est imposé hier sur Cholet. Voilà pour l'actu, très bon réveil. J'espère que ça va pour vous. C'est jeudi, aujourd'hui, le 29 septembre. On est avec vous, bien sûr, chaque matin sur Virgin Radio avec Laure. Laure, salut. Si vous nous rejoignez, on est en plein débat, les amis. Un débat. Mais c'est en train de partir dans tous les sens. Cette équipe va peut-être se séparer à tout jamais. On est la seule équipe à pouvoir s'embrouiller, mais à presque s'insulter pour savoir s'il faut se laver avec une savonnette ou avec du gel douche. Laure, elle est avec moi. Elle a toujours été avec mais moi. Oui. Laure, elle est team gel douche. Dans tous les combats, Camille. Clément, il a choisi le mauvais bateau. Il a embarqué sur la team savonnette. Mais non, non. Moi je suis avec toi, je suis team pousse-pousse. Eh team ben, gel douche, oui. Je te prends et avec j'ai, toi. Et j'ai un argument en plus très important. Tu peux le prêter à un ami. Si un ami veut prendre une douche, tu lui prêtes un gel douche. Si tu lui prêtes ta savonnette, tu sais même pas quelle partie du corps il va frotter. Exactement, très bonne réponse. J'ai un autre argument. Ginger, eh ben garde-le. Ginger, ma chérie, toi, tu es face à moi. Ça me fait plaisir parce que tu portes tes arguments et tu t'es dressé contre moi, t'es team savonnette. Tout à fait. Pauline, elle est team rien du tout. Elle s'est pas lavée depuis 4 ans. Mais elle a choisi la savonnette. Et Nico du bureau est team savonnette aussi. Au standard avec nous, il y a deux personnes. Deux personnes qui ont voté en leur âme et conscience, qui ont envie de faire des choix pour 2017. Ils veulent que ça change. Et donc, Marc, tu es team gel douche. Tu as choisi la bonne team, la team de la win. Oui, évidemment que je choisis les winners. Mais bien sûr. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et Marie, elle, alors Marie, forcément, elle est un peu perdue. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? On se réfugie dans les extrêmes. Et Marie, elle est partie dans l'extrême. Team Savonnette, mais elle y croit pas elle-même. Elle sait que c'est pas là la solution. J'arrête d'influencer les gens. Mais il n'y a plus d'influencer, elle a voté, elle est partie Team Savonnette. Mais c'est pas ma France. Et donc, c'est Robin, notre réalisateur. Je rappelle, c'est le plus jeune de l'équipe. Robin, ton âge? 21 ans. 21, t'as l'air d'hésiter. 21 ans, attention. Robin, qui est là avec vous, 5-6, hein, vous le savez, il faut aussi le warm-up, on est là dès 5h avec vous. Robin, c'est toi qui vas décider si dorénavant, il faut qu'on se lave avec des savons durs, savonnettes, ou des gels douches. Tu es plutôt quoi? T'es un gars gel douche. Essaie de pas me convaincre, Camille, même si, bon, voilà. Tu pousses les boutons, tu pousses comme pousse-mousse. Clément a raison, la savonnette, tout le monde se la prête, c'est dégueulasse. Le gel douche, donc ça glisse pas, team gel douche. Team gel douche. Gagné, je savais, mais non. Marc, je voudrais te féliciter. Marc, tu as choisi d'aller du côté des winners. Tu as choisi de te ranger, à mon opinion, à la team gel douche. Marc. Ah, oui, Camille, je suis tremblant. Eh bien, Marc, tu as fait le bon choix. Je t'offre un iPad. Il a bien voté. Il est venu dans ma team. Marie. Marie, ma chérie, puisque tu aimes vivre avec te laver avec des savonnettes, tu es un petit peu à l'ancienne. Je t'offre, et je te jure que c'est vrai, une dictée magique. C'est génial, j'adore. C'est l'ancêtre de la tablette, et je te jure que je vais te l'offrir. C'est une dictée magique. C'est, tu sais, t'appuies comme ça, tu réponds et tu apprends l'orthographe comme ça. Écoute, la dictée magique avec ta savonnette, tu passeras des belles matinées, d'accord? Même si je me lave au gel douche à partir d'aujourd'hui? Eh bien, peut-être que dans un an, je t'offrirai un iPad. Mais l'iPad, il est pour Marc. Mais je suis sérieux hein, dans ce que je vous dis. Marc, je t'offre vraiment un iPad. Hein. Ah, super, Camille. Je suis super content. J'en connais un qui va être encore au moins aussi content que moi. Quoi. C'est qui? Bah, mon petit gamin de 10 ans, Clément. Voilà. Ben, on est très heureux. Et je vais vous dire, ça vous donnera une bonne leçon. Comme quoi, dans la vie, votez pour moi. Toujours. Merci, mon Marc, t'es un ange. Et merci aussi à Marie, on se marre le matin, c'est pas si grave. L'important, je vais vous dire un truc, c'est de se laver. Bien sûr, Jonas Blue, voilà ce qui arrive pour le pop-rock électro. Avant tout ça, on est un peu en retard, on s'amuse avec vous. Hein. C'est le moment de passer aux réponses à toutes, Clément. Réponse à tout. Passons la réponse à réponse à tout. Je descends dans la rue, je discute avec des enfants. Aujourd'hui, je leur ai demandé pourquoi c'était bien d'être une star. Pourquoi c'est bien d'être une star? Bah parce que tu gagnes plein d'argent. C'est génial d'être une star. Parce que tout le monde t'aime, tout le monde t'applaudit. Et les fans t'envoient des cadeaux. Des fois c'est des bonbons et ça fait grossir. C'est trop bien d'être une star parce qu'on boit plein de champagne. On voit ou on boit? On boit. Tu bois plein de champagne toi? Non. Combien ça gagne une star? Je sais pas combien mais beaucoup. À ton avis, donne un chiffre. Je sais pas, 100. 200. 200 euros? Ouais. Tous les mois? Plus, parce qu'il y a tous les spectacles. Alors moi, je dirais au moins vu tout le monde. Après, ça dépend si c'est une star connue ou pas connue. Est-ce qu'il y a des stars pas connues? Bah, moins connues que d'autres. Parce que les plus connues, les autres, elles coûtent plus cher. C'est genre qui, les stars super connues en France? Je sais pas, mais il y en a plein. Et les pas trop connues? Bah, je les connais pas. Réponse à tout! Merci de jouer le jeu chaque matin. Jonas Blue, Perfect Strangers. Voilà ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. Team Gel Douche de la Win ce matin. Bon réveil. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow we'll hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe it'll never change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Vous tous sur Virgin Radio. Vous nous avez choisi pour bien démarrer vos journées. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix puisqu'on est là. On vous lâchera pas. Vous le savez, demain on sera dans un nouveau studio. Oui. On dirait qu'il y aura l'émission de demain. On va l'inaugurer avec vous. Ça va être complètement dingue. Et puis surtout parce qu'on vous offre des cadeaux magnifiques. Ce matin, encore là, tout de suite, quelqu'un va peut-être pouvoir repartir avec un casque Sennheiser, valeur 350 euros. Et en plus, son inscription. Ce sera le dernier à pouvoir s'inscrire. Hein, comme une fois par jour, toute la semaine, le dernier ticket pour le tirage au sort de demain pour un séjour à La Réunion, valeur 7000 euros. C'est Léa qui est avec nous au standard. Bonjour Léa. Oui, bonjour Camille Combal. Bonjour toutes les bonjour Camille Combal, domicilié, bien sûr, à AI 20e. Ma petite Léa, je suis ravi de t'entendre. Écoute, tu l'as compris. Moi aussi, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, je sais que t'es un petit peu là parce que tu nous aimes bien. T'es un petit peu beaucoup là pour un casque d'une valeur de 350 euros. Puis t'es surtout beaucoup là pour gagner l'inscription pour demain hein, en direct. On offrira une nouvelle fois. On l'a fait vendredi dernier pour la Martinique. Et là, c'est pour La Réunion, un séjour tout frais payé, une semaine, la personne de votre choix en hôtel 5 étoiles. Mais pour ça, tu dois gagner un des jeux les plus durs de l'émission, c'est le pari d'Amix. Et puis pour passer un bon moment avec vous, Nico du bureau. Elle est gentille, Léa, elle dit, et aussi pour passer un beau moment avec toi. Ouais. C'est mignon. Ma petite Léa, attention, on y va, le pari d'amis. Je vais te poser trois questions. L'équipe, vous pouvez quitter le studio. Oui, okay. Ils n'entendront rien de notre conversation. Léa, si t'as envie de dire d'accord. un peu de saloperie sur eux, n'hésite pas. Ma belle, non, c'est gentil. Comme tout, je te pose trois questions, d'accord ? D'accord. Tu auras peut-être ou pas la bonne réponse, mais en fait, peu importe. Après, je te demanderai à chaque fois, pour chaque question, de choisir soit quelqu'un de l'équipe qui tu penses peut avoir la bonne réponse, soit qui a la mauvaise réponse, d'accord ? Et si, mm-hmm. sur ces trois questions, tu fais au moins un bon pari, eh ben, tu repartiras avec le cadeau. On y va, ma belle ? Allez, on fait comme ça, merci. Première question, la voici. Selon le proverbe très connu, avec quoi ne prend-on pas les mouches ? On n'attire pas les mouches. Tu connais cette expression ? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Exact. C'est ça, donc ça c'est le bon proverbe. Et je vais te demander de deviner, d'essayer de trouver quelqu'un dans l'équipe qui aura la mauvaise réponse, qui peut-être peut ne pas connaître cette expression. Je vais prendre Pauline. Pauline, tu penses qu'elle peut se tromper sur cette expression ? On verra ça. Deuxième question, deuxième pari, avant de faire rentrer l'équipe. Je vais te demander de quelle couleur sont les bottes de Superman ? Est-ce que tu as une réponse, toi, déjà, Léa ? Elles sont rouges. Elles sont rouges, c'est la bonne réponse. Mais moi, je vais te demander de me trouver quelqu'un c'est qui n'a... C'est ma couleur préférée, en plus. Oh, c'est mignon. C'est Et oui. je vais te demander de trouver quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse, selon toi, parmi Nico du bureau, Laure, Clément, Ginger ou Pauline. Alors, je dirais Nico. Nico du bureau. Je pense que t'es mal tombé. Il est extrêmement fan de Superman. Ah. C'est pas grave. Écoute, c'est ton pari. Mais il est très, très fan de Superman. Attention. Dernier pari. À quel pays est rattaché, à quel pays appartient le Groenland ? D'après toi, c'est quoi ? Le Groenland, alors là, aucune idée. Eh ben, moi, je ne le savais pas non plus, je l'apprends là, c'est le Danemark. Ah d'accord. C'est au Danemark, moi je ne le savais pas non plus. Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui aura la bonne réponse. Oh ! Oula, je dirais Ginger, allez. Ginger. Girl Power, on y va. On y va, attention, on fait re-rentrer l'équipe. Les paris sont faits. Trois questions, trois paris faits par Léa. Elle a parié sur différentes personnes de l'équipe. On va voir si vous allez relever le niveau. Un seul bon pari et le cadeau est gagné. Attention, on y va. Première question, la voici. Elle est pour Pauline. Oh. Pauline, Léa a parié sur toi. Selon le célèbre proverbe, avec quoi n'attire-t-on pas les mouches ? Oh, c'est... De quoi ? On n'attire pas les mouches avec... Avec... Léa, attention, on ne dit rien. Je ne me rappelle pas. Non, mais en fait, à chaque fois, je stresse. Ne bougez pas. L'équipe, on est d'accord, vous l'avez tous. Oui, avec du vinaigre. Une célèbre expression. Tu dis quoi ? Avec du vinaigre ? Avec du vinaigre. C'est une bonne réponse, mais on cherchait quelqu'un qui a une mauvaise réponse. Ah ouais. Non, mais en fait, à chaque fois, j'ai des montées de stress. Tout le monde me regarde comme si j'étais une idiote. Alors, je dis n'importe quoi. Et comme on cherchait quelqu'un qui a une mauvaise réponse, on a parié sur Pauline, bien sûr. Voilà. Malheureusement, c'était pas gagné. T'as bien répondu, mais bon, c'est pas grave. Attention. Ce qui est drôle, c'est que Léa a pas dû comprendre puisqu'elle essaie de t'aider pour trouver la bonne réponse. Bah oui. Avec du vinaigre. Ah, mince, c'est la bonne réponse. On continue. Attention, deuxième question, elle est pour Nico du bureau. D'accord. Elle est pour Nico du bureau. De quelle couleur sont les bottes de Superman ? Nico du bureau. De quelle couleur sont les bottes de Superman ? Je pense que c'est assorti au... On voit le slip rouge. Slip, ouais, le slip rouge. On voit la cape rouge. Et après, je pense que c'est slip rouge, collant bleu. Et je dirais, franchement, je dirais botte rouge. Botte rouge ? Ouais. Mmh. C'est rouge ou bleu ? Botte rouge. On cherchait quelqu'un qui a la mauvaise réponse à cette question. Mmh. Et c'est votre, pas votre cas, puisque les bottes sont rouges de Superman. Le deuxième pari n'est pas gagné. Il reste un seul pari. Restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, vous saurez si Léa va repartir avec un très très beau cadeau. Peut-être un séjour à La Réunion, valeur 7000 euros. Le dernier pari. je vais vous le donner dans un instant. Il concerne Ginger. Ok. Ginger, c'est toi qui va ou pas permettre à Léa de gagner ce beau cadeau. Reste avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on écoute les Maroon 5. Et Ginger, oui. On donne le téléphone parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont essayer de te dire sur Twitter. On déconnecte tout. Okay. Je veux pas de triche. Ok. On est parti, les Maroon 5. On en reparle dans un instant. You won't let it bend, and I wrote 200 letters that I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up, I'd rather let them be. So let me be, and I'll set you free. Softest skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you free. Radio, restez avec nous les copains, on va revenir dans deux secondes. Il y a Léa qui est avec nous au standard. Ça va Léa? Oui, ça va et vous? Léa est en plein cœur, en plein pari d'amis. Oui, oui. Vous le savez, elle a parié sur des gens de cette équipe. Les gens de l'équipe doivent répondre à la question. On ne sait pas s'ils doivent donner la bonne ou la mauvaise réponse. C'est Ginger qui est concerné. Ginger, peut-être que tu vas permettre à Léa de partir à la Réunion dans un instant. Restez avec nous sur Virgin Radio. On a piqué les téléphones, hein. Je sais que vous êtes beaucoup sur les réseaux à essayer d'aider Ginger. Il y a pas de triche ici et c'est Kungs, Don't You Know, qu'on va écouter dans un instant, bougez pas. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690€ avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition de prise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Carrefour. Val, écoute ça. Un arôme fruité, une robe or, intense. Oh, toi, t'as vu qu'en ce moment, avec la foire au vin Carrefour, pour une bouteille de champagne chanoine 1730 réserve achetée, la deuxième est gratuite. Madame est une connaisseuse. Et en plus, tu peux découvrir la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Je vois qu'on peut rien te cacher. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de champagne chanoine 1730 réserve achetée à 26€, la deuxième est gratuite, soit 13€ la bouteille. 140 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Virgin Radio. Virgin Radio. Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu. Qu'un jour tu seras parti, j'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard. À chaque matin avec vous, 6h, 9h, dans un instant, un point sur l'actu, comme on le fait tous les matins aux alentours des 7h. C'est jeudi, aujourd'hui, le 29 septembre. Et à 7h05, qu'est-ce qui se passe, l'équipe? Question de ouf. Ah, bien sûr, question de ouf. Une nouvelle fois, vous avez répondu aux questions de Clément, laissant tous vos messages sur notre répondeur 01 84 07 08 09. Et ce matin, vous a demandé quelle est la pire phrase qu'on vous ait sortie pour vous larguer. Pas un truc classique, genre, t'es trop bien pour moi. Vraiment un truc original ou la pire excuse qu'on vous a sorti pour vous larguer. Pas le fameux « tu mérites mieux ». Ouais. Pas ça. Encore plus ouf. Un truc, il n'y a que vous qui l'avez un vu. Un truc mieux trouvé, on va découvrir ça dans un instant. Et pour le moment, les amis, jingle. Énorme suspense, je vois sur les réseaux partout. Vous dites, on n'en peut plus. Est-ce que, enfin, Léa va partir à La Réunion avec une personne de son choix pour 7 000€, en tout cas, gagner le ticket pour la sélection de demain? C'est en train de se jouer au Paris d'Amérique. Virgin Tonic. Clément, Ginger, Laure, Pauline, Nico du bureau. Le Paris d'Amis. Et Léa de retour au 3916. Oui. T'es toujours là, ma belle? Oui, toujours. Léa en pleine forme. A découvert un truc ce matin que moi j'ai découvert depuis pas mal de temps. On ne peut pas compter sur cette équipe. Tu as fait un premier pari, tu as parié sur Pauline. Je t'avais demandé, le pari d'amis, c'est simple. L'équipe n'entend pas, ils sortent du studio. Je t'ai posé trois questions, culture générale, peu importe. Et ensuite, je t'ai demandé pour chaque question de me trouver soit quelqu'un qui avait la bonne réponse, soit quelqu'un qui avait la mauvaise réponse. Mais l'équipe ne sait pas s'ils doivent donner la bonne ou la mauvaise. Donc, eux, ils répondent et après, ils découvrent s'ils ont bien fait. Pauline, tu avais parié qu'elle pourrait ne pas avoir la bonne réponse à l'expression « Selon le proverbe, on ne attrape pas des mouches avec du vinaigre ». Oui. Mais elle l'a retrouvée. Nico du bureau, tu pensais, était mal tombé, il est fan de Superman. Tu t'es dit de quelle couleur sont les bottes de Superman ? Nico du bureau a répondu rouge, là encore, on espérait trouver quelqu'un qui n'est pas la bonne réponse. Oh là là. Et tous jouent maintenant avec le dernier pari. Tu as parié sur Ginger. Ginger, je vais te poser une question. Oui. Peut-être que j'attends que tu aies la bonne, peut-être que j'attends que tu aies la mauvaise réponse. Tu n'en sais rien. Seuls les gens derrière leur radio le savent. Léa aussi, bien sûr, elle ne dit rien. Et les gens derrière la radio, et on t'a enlevé le message, sont tellement gentils, ils ont beaucoup essayé de t'aider sur les réseaux. Attention, la question, la voici, Ginger. Je rappelle, si grâce à toi, elle gagne son pari, quoi qu'il arrive, un casque audio valeur 350 euros et elle est inscrite pour le tirage au sort de demain, séjour à La Réunion. Oui. Tu situes le Groenland bien, hein. Tu vois où c'est le Groenland, Ginger? Oui. Eh bien, le Groenland, on parle souvent du Groenland, mais le Groenland, faut bien qu'il soit rattaché à un pays. Il appartient à un pays. À quel pays est rattaché le Groenland? Ginger, on attend ta réponse. Oh là là, c'est dur, mon jeu. Je dirais les États-Unis, mais sans vraiment. Le Canada, allez. Canada? Ouais. Si vous étiez avec nous depuis maintenant un peu plus de 10 minutes, depuis que j'ai accueilli Léa sur l'antenne, je vous l'ai dit la réponse. Donc vous savez si Ginger s'est planté ou pas. Je vais te dire, à cette question, j'ai demandé déjà de parier sur quelqu'un de l'équipe qui aurait la bonne réponse. Oh là là. Bonne réponse. Est-ce que dans l'équipe, vous pensez que Ginger a donné la bonne réponse? Non. Moi, oui. Non. Moi, je dis qu'elle n'a pas la bonne. Moi, je vais te dire, ma Ginger. C'est facile, j'ai le papier devant, mais j'aurais répondu exactement comme toi. Ouais. J'aurais dit États-Unis, non Canada. Mmh. Je te jure, j'aurais fait la même réponse. Mmh. Pauline, t'aurais répondu quoi? J'aurais répondu le Danemark. T'aurais dit le Danemark. Oui. Je dis peut-être une bêtise. Comme souvent. Oui. C'est un pays scandinave, c'est Danemark ou Norvège. Ah oui. Clément, t'aurais dit quoi? Danemark ou Norvège, j'aurais dit. Eh ben, je crois que c'est Danemark. Elle le sait, Léa, déjà. La bonne réponse, c'était le Danemark. C'est perdu, malheureusement. Oh là là, ma chérie, ma Léa. Aïe. Oh là là. Il faut jamais miser sur Ginger. Tous ses ex l'ont dit. Ne jamais miser sur Ginger, Laure. Pourquoi personne ne parie jamais sur moi? Je suis une valeur sûre en géographie. T'aurais dit. Justement, je l'aurais jamais dit. Elle aurait parié sur moi. Mais oui, ils vont chercher quelqu'un qui a la bonne réponse. Oui, mais bon, parie jamais sur moi, ça commence à m'énerver. Oui, en fait, tu veux juste qu'on parie sur toi. Ouais, merci. Clément, moi, il n'y a que la Géo, je peux avoir de bonnes réponses. Moi, je suis nul. Oui, il faut suivre souvent l'émission, mais c'est vrai, voilà. Les points forts de Clément, c'est la Géo. Les points forts de Laure. Littérature, cinéma, divertissement. Voilà. Le point fort de Nico du bureau, les post-it. Oui. S'il y a des questions sur les post-it. Le point fort de Pauline, on les cherche encore. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis bien, des jours où c'est vide. C'est plus difficile. Maléa, je suis désolée. Malheureusement, on va quand même faire des beaux cadeaux standards. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Mais ma chérie, t'es à la maison ici, bien sûr. Ok, d'accord. Donc je passe un bonjour à Yoann, mon meilleur ami, avec qui j'ai monté mon association pour un développement personnel sur Lyon. Et voilà, j'embrasse très très fort, et aussi à ma meilleure amie qui s'appelle Léa, et oui, comme moi. Donc voilà. Et ben merci en tout cas à tous. Merci ma belle, t'as un amour. Et je voudrais également passer un message à tous les ex de Ginger. Vous avez bien fait de la foutre dehors de chez vous. Imagine-toi la haine. Restez avec nous sur Virgin Radio. Et je vous en parle depuis tout à l'heure. Vous l'avez découvert chez nous. Le son de Koons qui arrive dans un instant. Don't you know. Voilà ce que vous aimez pour le pop rock électro. Courage, c'est jeudi, c'est pas simple. Nous en tout cas on est là avec vous. On revient dans un instant, juste après l'actu, bougez pas. Don't you know. Your radio. Pop rock. Electro. Les Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, des averses aujourd'hui sur les côtes de la Manche. Sinon, ce sera du grand soleil sur le reste du pays. Un mercure à 20 degrés en moyenne ce matin. Ça grimpera jusqu'à 29 cet après-midi du côté de Toulouse. 23 à Marseille, 24 à Paris, 25 à Strasbourg et 27 à Bordeaux. Météo France qui a placé la Martinique en alerte rouge. La tempête Matthew souffle actuellement sur les Antilles françaises. De fortes pluies, des orages, des vents violents et une mer agitée. 20 000 foyers privés d'électricité. La Guadeloupe et elle en vigilance orange. De multiples agressions et des mutineries, la sécurité en prison se dégrade. Les syndicats de surveillants appellent à des actions ce jeudi avec blocage des centres pénitentiaires. Ils dénoncent la surpopulation carcérale. 70 000 détenus actuellement pour seulement 60 000 places. Ils craignent que les prisons deviennent des usines à terroristes. Le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu son jugement. 11 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme pour les émeutes de Moiran. Un homme a été relaxé au bénéfice du doute. L'un des condamnés a l'intention de faire appel. Bernard Squarcini a lui été mis en examen dans la soirée. Une longue liste de délits présumés pour l'ancien patron du renseignement. Trafic d'influence, détournement de fonds publics ou encore recel de violation du secret de l'instruction. Enquête en lien avec le groupe LVMH. La durée de validité des chèques est repassée à 1 an. Décision des députés hier soir contre l'avis du gouvernement. Les élus ont estimé que la réduction à 6 mois aurait bousculé la vie des personnes âgées et pénalisé les propriétaires de chambres d'hôtes. Un petit conseil, n'hésitez pas à faire le plein ce matin. Le prix des carburants devrait rapidement repartir en flèche. Les pays de l'OPEP ont décidé hier soir de fermer les robinets, moins de pétrole pour soutenir les prix à la pompe. Les drapeaux seront mis en berne aujourd'hui en Israël. Un hommage à Shimon Peres, décédé hier à 93 ans. Sa dépouille sera exposée au public aujourd'hui à Jérusalem. Israël se prépare à recevoir de nombreux dirigeants de la planète demain pour les obsèques. François Hollande a invité Nicolas Sarkozy à s'y rendre avec lui. Les Trois Mousquetaires, adaptés en comédie musicale. La première, c'est ce soir au Palais des Sports de Paris. Olivier Dion, Damien Sargue, David Ban et Brahim Zaibat sous les traits de D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Au casting également MJ, la gagnante 2015 de Nouvelle Star qui interprète Milady. Les Trois Mousquetaires à découvrir donc dès ce soir sur la scène parisienne du Palais des Sports et en tournée à partir de février. Le PSG est désormais en tête de son groupe à l'issue de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens sont allés s'imposer 3-1 hier soir à Sofia en Bulgarie face à Ludo Goretz. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Eh oui les amis, c'est le Virgin Tonic à vos côtés avec toute l'équipe qui est là. Oui, salut. Clément, bonjour. La popo oui. Du standard, les amis, soyez les bienvenus. En tout cas, on est là chaque matin à vos côtés pour notre dernière fois dans notre studio. Oui. Demain, on sera dans notre tout nouveau studio. Et on change carrément de ville. Ah, c'est bien. On change carrément de département. Ouais. Voilà, on va ailleurs et vraiment, dans un tout nouveau studio, on est très très très heureux. Surtout, voilà, on va s'amuser à l'inaugurer avec vous demain. Et le plus important, on aura un mur entier avec tous vos visages, tous ceux qui ont bien voulu nous envoyer une photo sur notre Facebook, et parce que voilà, c'est aussi votre studio à vous et on vous prépare des surprises les amis. On a un artiste que vous adorez qui va venir l'inaugurer dans quelques jours. Voilà, on est comme des dingues et puis surtout c'est pour vous faire encore des meilleures émissions, on espère, puisque c'est pour que voilà, vous puissiez nous joindre très vite, tout ça pour que techniquement on quitte l'année 1985 voilà. Et qu'on foute un pied directement en 2016. Ça va nous faire bizarre. Oui ma Pauline, il nous reste donc quelques heures pour faire le deuil du standard le plus long du monde. La clim qui nous rend malade. Mais en plus, je vous jure, parce qu'on plaisante souvent, mais je sais que voilà, depuis 2 ans, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Il y a peut-être des gens qui nous rejoignent, qui nous écoutent pour la première fois ce matin. D'autres sont là depuis bientôt même 3 ans avec nous. Et vous savez qu'on a beaucoup plaisanté. En ce moment, par exemple, il n'y a pas d'eau potable. Ouais. Mais il n'y a personne qui ne connaît ça dans sa vie. Je veux dire, même Denis Brognard, il a de l'eau potable quand il fait Koh-Lanta. C'est clair. Et ce studio-là, mais on l'aime d'amour, en c'est vrai. Clair. On l'adore. Ouais, c'est vrai que quand même, on en a parlé, on a quand même eu pendant 1 an une souris dans nos studios. Oui. Et on lui donnait à manger. On a une souris qui passait, on parlait, la souris passait devant nous dans le studio. Souris Cruise. Souris Cruise. Oh là là là là, il va nous manquer ce studio. Ben mais voilà, on va ailleurs et vous retrouverez toutes les images, vous allez le découvrir demain. Quelques personnes de l'équipe, je suis allé avec Clément déjà voir, il est immense. Ah, il est magnifique. Il est génial, vraiment. Et, mais bon, voilà, il va nous manquer ce petit studio. Bah ouais, carrément. On peut même parler d'une studette radio. C'est ça. Oui, c'est bon. Vous entendrez peut-être un petit peu moins l'or parce que les tables sont un peu plus hautes dans les micros aussi. Il paraît qu'elle m'arrive au menton. On va l'entendre comme ça alors. Ouais, je voulais vous dire en fait. Non, non, non, non, enfin, on va embrasser Jésus. Et vous allez l'entendre, elle va sauter et au fur et à mesure on l'entendra, elle redisparaîtra. Soyez avec nous demain, voilà, pour cette émission exceptionnelle. Voilà, ce sera la grande première dans ce studio. Dans un instant, c'est Kungs qu'on va écouter. Je vous souhaite encore beaucoup de courage à vous tous qui êtes déjà sur la route, vous qui peut-être êtes encore en train de réveiller vos enfants à la maison. Et puis c'est votre loyer qui est à gagner, bien sûr. Loyer au 7 12 13 par SMS. Ce sera à 7h20 comme tous les matins. Et tout de suite, la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf, vous laissez vos messages en répondant à la question de Clément chaque jour, ça se passe sur notre répondeur et vous nous faites marrer tous les matins. Quelle est la pire phrase qu'on t'ait sortie pour te larguer? La plus originale, c'est la question qu'on vous a posée. La pire phrase qu'on m'a sortie pour me larguer, c'est « je crois que nous deux, ça va pas le faire ». En fait, elle est célibataire, ta sœur? Je suis désolée, mais ta coupe de cheveux, c'est plus possible. Voilà, super excuse. Hein. Ouais, il faut tourner la page, notre livre est terminé là. Alors moi, j'ai le droit à « je ne me vois pas faire ma vie avec toi ». Mais bon, au bout de 10 ans, il serait peut-être temps que tu t'en rendes compte quand même. C'était une bonne expérience, mais c'est fini. Ouais, enfin, j'étais un cobaye, quoi. Tu es mon Titanic. Tu me fais sombrer. Et comme je sais pas nager, je préfère que tu prennes la large. On n'est pas fait pour être ensemble. Et j'ai envie de me donner une chance d'être heureux. Enfoiré, va. Je lui ai dit que j'aimais pas trop le train-train quotidien. Et que j'étais comme la SNCF, quoi. Que je préfère lui dire tcho-tcho. Question de ouf. Merci à vous tous de jouer le jeu chaque matin, les copains. Restez avec nous. Je voudrais qu'on fasse un truc dans un instant. Ouais. Vas-y. Il y a un truc qu'on avait fait il y a quelques temps. On avait appelé ça le fallait que ça sorte. Ouais. Ah, ouais. Fallait que ça sorte, oui. C'est qu'on se dit qu'il y a des trucs qui nous énervent, qui nous enquiquent, des petites choses, des choses un peu plus galères. Ouais. Et on prend sur nous, c'est pas bon d'ailleurs de pas se lâcher, de pas c'est dire vrai. Les choses. Et on s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas de temps en temps sur Virgin de. On se soulage. On va se le dire, nous, entre nous, dans l'équipe. Vous aussi, n'hésitez pas à passer sur l'antenne, appelez-nous au 3916. Réagissez sur les réseaux. Tiens, hashtag fallait que ça sorte. Ouais. Faites-vous plaisir. Le Virgin Tonic, c'est fait pour ça. Lâchez-vous. Le temps d'écouter le pop rock électro. Virgin. Le pop rock électro de Virgin Radio, le meilleur tous les matins avec Kungs, Don't You Know. Excellent réveil. C'est le Virgin Tonic, c'est jeudi. c'est jeudi, c'est le 29 septembre. Bienvenue à tous, on est là tous ensemble chaque matin. On dirait le rythme, le disque est rayé. Ouais, un peu, c'est un peu sous l'eau. Ouais, un petit peu sous l'eau. Remets, on dirait qu'ils boivent la tasse, les enfants. C'est clair. Ça va aller de travers, ils ont enregistré en fait. Ça va aller le cacolac de travers. Les amis, soyez les bienvenus, c'est jeudi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est là jusqu'à 9h. Courage à vous tous qui êtes peut-être sous la douche, peut-être en voiture, déjà dans les bouchons, en train d'aller au bureau, en train de faire des jeux de mots avec la plaque d'immatriculation de devant. J'adore faire ça quand je suis en voiture. L'équipe, ça va? Oui. Ah, et les amis, je voudrais tout de suite lancer un hashtag. Oui. Un hashtag absolument, parce que personne m'a fait autant rire de ma vie que le message que m'a envoyé Elodie sur Facebook, qui me dit: Camille, s'il te plaît, peux-tu dire à René, mon père, d'arrêter de se croire cool quand il m'attend devant l'école en mettant du Kenji à fond et en baissant la vitre. Ouais, mais c'est les pères, ça. C'est un truc de papa de... Tu te crois cool, mais les enfants, ils trouvent pas ça les cool. Les amis, je suis exactement d'accord. Je veux qu'on fasse tous ça. D'accord. Tous, je veux qu'on lance le hashtag « Mon père se croit cool quand... Okay. » Le moment où votre père, il arrive, « Alors, les jeunes, ça va gâcher ?» Vous aussi, partagez sur les réseaux, on va lire les meilleurs. On vous rappelle au 3916 dans quelques minutes, mais pour le moment, on veut que ce soit un vrai exutoire, le Virgin Tony. Ouais. On veut que vous fassiez du bien. On le fait de temps en temps dans l'émission. On adore ça. C'est le « Fallait que ça sorte ». Ouais. Je vous explique ce que c'est, parce qu'il peut y avoir deux interprétations. « Fallait que ça sorte », c'est le moment où vous avez quelque chose sur votre conscience. Peut-être des choses à dire, comme nous aussi. Hein. Entre nous, on passe notre semaine ensemble dans l'équipe. Et vous soulagez, vous dites « Je t'aime, hein, mais voilà, ça faut que ça s'arrête ». Est-ce que t'en as un, ma petite Laure? Ouais. Moi, j'en ai marre des gens qui disent « on » pour dire « vous ». Genre « on en pense quoi du dernier The Avenger ?» Ça m'insupporte. Voilà, j'avais envie de le dire. Le mec n'a pas d'avis tout seul, quoi. On en pense quoi, la Virgin Tonic? Je vois tout. C'est la nouvelle mode, ça. C'est la nouvelle mode. Ça m'énerve, les tics de langage comme ça. C'est vrai. Clément, toi aussi, tu peux faire sortir un truc, n'hésite pas. Fallait que ça sorte. Je donne pas de nom, ça va être global. Autant je suis un dégueulasse, autant j'en ai marre des gens qui se liment les ongles en public et genre dans le bureau et tout. Oh. Je trouve ça horrible, les jets d'ongles en fait. On en pense quoi, des jets d'ongles? Je suis d'accord avec toi, c'est horrible. Faites-vous plaisir, les amis, faites-vous plaisir. Émilie, tiens, au 3916, ma belle, toi aussi, t'as envie de faire sortir un truc, fais-toi plaisir. Salut Camille. Ah ouais, moi j'ai envie de dire que j'en peux plus de payer super cher les toilettes dans les gares alors qu'elles sont super sales et qu'elles n'ont pas été lavées au moins depuis 1840. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis d'accord avec toi. Possible. Franchement, je suis d'accord avec toi. Oui Clément. Il y a deux types. Il y a ceux où vraiment tu mets une pièce et c'est pas nettoyé. Et il y en a où il y a des hommes et des femmes qui bossent là-bas et qui entretiennent super bien aussi. Oui, mais c'est pas un métier asile. Mais je veux dire, surtout moi, ce qui me rend dingue là-dedans, pardon, c'est même pas la propreté, c'est à quel moment t'as 50 centimes pour toi au moment où t'as envie de faire pipi. Mais non, mais surtout, à quel moment on paye pour faire pipi, quoi, excusez-moi. Mais pour l'entretien, quand il y a 1000 personnes qui passent, t'es content qu'elle soit propre quand t'arrives. Si c'est sale, d'accord. Mais sinon. Oui, mais c'est à la boîte de payer quelqu'un pour faire. Je suis désolée, moi ça me choque, ça, ce truc là, j'ai jamais aimé. Ouais. Oui, que côté. T'as jamais aimé payer quoi que ce soit. Mais j'imagine, alors en plus pour faire pipi. Mais t'as raison ma petite Émilie. Gauthier, t'as un truc toi aussi, t'as envie de te faire du bien, t'as envie de soulager ta conscience? Ah ouais, complètement. Tu sais, c'est les gens qui distribuent des prospectus sur les pare-brises des voitures. Et le pire, c'est quand ils flottent. Alors quand il pleut, ça reste pendant une semaine, c'est l'enfer. Et puis sérieusement, tout le monde les jette par terre. Donc arrêtez de distribuer ça, sérieux. Alors je vais te dire un truc, ça a été un de mes jobs d'étudiant. Donc je l'ai fait. Ah. Donc j'étais obligé. Alors vraiment, il faut jamais engueuler la pauvre personne qui vous le met sur le pare-brise. C'est clair. Parce que faut aller au restaurant qui a demandé de le faire. Moi, c'était pour une agence immobilière, je crois. C'est insupportable. On n'y est pour rien quand on le met. Mais alors, je te rejoins. Gauthier, quand tu reprends ta voiture, parce que tu vois pas au moment où tu prends ta voiture, et que d'un coup tu roules et que t'entends. C'est sur le pare-brise. Et après, je sais pas dans quel quartier t'es, dans quelle ville t'es, mais chez nous, là, près de la radio, c'est toujours pour des massages naturistes. Ouais, qu'à un moment donné, tu roules et t'as quand même une nana nue sur ton pare-brise. Et quand tu jettes, tu dis, mais pourquoi j'ai un dépliant avec des filles? Et il suffit que tu le mettes dans ta boîte à gants, ta femme, elle lourde, elle dit, oui, je fais des massages naturistes. C'est pas possible. Laure. Du coup, c'est marrant, sur le pare-brise, ça fait comme le film de Canal, non? Oui, on voit la fille passer, repasser. C'est pas possible. On en pense quoi des pare-brises? On se posait la question. Gauthier, je t'embrasse très fort. Et il a mis le doigt sur un truc qui me rend dingue, les amis. Émilie, ma belle, je t'embrasse très très fort aussi. Restez avec nous sur Virgin Radio. On va revenir dans un instant.

radio rock. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tout de suite, votre loyer sur Virgin Radio. Restez avec nous sur Virgin Radio, les amis, vous avez bien raison, c'est là que ça se passe tous les matins, entre 6h et 9h. Bien sûr qu'on paye votre loyer chaque heure, 6h20, 7h20, 8h20, c'est votre rendez-vous, c'est le plus beau cadeau. Toute radio confondue, vous pouvez faire le tour, hein. C'est pas de la publicité mensongère, personne fait autant de chèques le matin. Hier matin, on était encore à plus de 3000 euros de chèques, oui. En 3 tirages au sort. Donc vraiment, on est très heureux de ça, il suffit de m'envoyer un SMS, hein. Loyer au 7 12 13, vous me laissez bien votre numéro de téléphone. Et si vous passez sur l'antenne, vous me répondez Virgin Radio. Alors je le répète jamais assez, mais vraiment, vous êtes propriétaire, ça marche aussi. C'est un mois de mensualité de crédit qui sont remboursés alors. À moi ? Non, non. Et puis surtout, surtout les amis, on vous fait le chèque et vous le dépensez comme vous voulez, c'est important. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là ? Aurélie. Salut ma belle, tu fais quoi dans la vie ? Agent administratif. Agent, on en a de plus en plus. Ouais, ouais. Bah, je suis très content, on a eu aussi une gagnante hier qui faisait le même travail. Ma petite Aurélie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Ouais. Ah, t'es contente ma belle ? C'est une blague ou pas, sans déconner ? Ah ben c'est pas du tout une blague ma chérie, regarde, je vais te prouver que c'est pas une blague. Clément fait une mauvaise blague ? Dis donc, les agents administratifs, vous coupez les tifs ? Eh ben regarde, quand quelqu'un fait une mauvaise blague dans notre travail, il y a un jingle qui part. Bide et chanson. Bélim, toi c'est de la radio, regarde si dans ma tête d'un coup j'ai peur, regarde. J'ai une musique de peur, ça fait trop longtemps que j'attends. J'ai une musique d'attente. L'ascenseur. Y'a qu'à la radio que ça peut arriver, ça. Ma petite Aurélie, on est très heureux. Tu fais un loyer de combien, toi ? 1020 euros par mois. 1020 euros par mois. Eh ben, on va te faire un chèque de 1020 euros tout de suite, ma belle. Tu viens de quelle région ? Du Nord. Hein. Du Nord. Eh ben, on te l'envoie dans le Nord, ma petite Aurélie. Je te fais plein de bisous. Merci. Mais merci à toi, ma belle. Merci de te réveiller avec nous le matin. Surtout, on embrasse Aurélie et j'ai oublié de le faire. Oui. J'ai juré que je le ferais à chaque loyer. J'embrasse Delphine de Brest, agent d'entretien qui a gagné hier. On lui a fait 2 mois de loyer et elle m'a dit tu n'embrasses pas assez les agents d'entretien. Eh ben, je le refais encore et je le ferai jamais assez. Je vous embrasse très fort tout le monde. Jane tout de suite et prochain tirage au sort pour le loyer, c'est dans 1 heure. Ne bougez pas. Salut, c'est Jane dans Virgin Tonic. Virgin Tonic. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, it makes my body dance for ya. Ooh, it makes my body dance for ya. Ooh, it makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. A little smile, you can all make it through the separation of a thousand more. Ooh, it makes my body dance for ya. Ooh, it makes my body dance for ya. Ooh, it makes my body dance for ya. Gotta get a ooh, we might get by, makes my body dance for ya. Ooh, we might get by, makes my body dance for ya. Ooh, we might get by, makes my body dance for ya. Ooh, we might get by, makes my body dance for ya. Gotta get a ooh, we might. tout de suite Virgin Tonic à vos côtés chaque matin. Virgin Tonic. Eh oui les amis, je sais que vous êtes en voiture, nombreux, peut-être encore à la maison, dans les transports. Soyez prudents, en tout cas, on est très très très contents d'être avec vous chaque matin. L'équipe va se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laure. Peut-être pas tous en même temps. Salut, c'est Clément Lincruste. C'est nul. Attends, on recommence. Ah, tu veux une présentation comment? C'est horrible, tu t'es présenté d'une façon, on dirait que tu vas violer quelqu'un gentiment. C'est clair. C'est genre dans un parking de « Bonjour, c'est Clément Lincruste ». Genre, il va faire un truc pas bien, mais il va se présenter avant quand même. Tu veux qu'on se présente comment? Non, non, ne te présente plus jamais. Ma petite Pauline au standard. Bonjour, c'est Pauline du standard. Merci à vous. Et non, vous êtes bon d'impro. Mais non, donne-moi un thème. Normalement, tu donnes des thèmes. Nous, tu sais, on fait ce que tu dis. Hein. Non, mais donnez-moi. Non, mais crois qu'on a un cours d'impro. Non, mais donne-moi un thème. Tu veux que je joue une pomme? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe, les amis? Vraiment. Et merci de nous être fidèles chaque matin. C'est qu'une équipe pareille. Je peux vous dire. Heureusement que vous êtes là avec moi, vous aussi. Jeudi 29 septembre, dans un instant, un point complet sur l'actu. Dans un instant, le réponse à tout qui est de retour, bien sûr, de Clément. Mais pour le moment, on a lancé un hashtag. Ginger, peux-tu rappeler à la France, quel est le hashtag du jour? Mon père se croit cool quand? Parce que tout part. Alors, et vraiment, je l'embrasse très fort. Elodie m'a fait beaucoup rire sur Facebook. Elodie, qui est étudiante à Lyon et qui me dit: mon père, pour faire Jones, gentil matin à la sortie du lycée, baisse la vitre et met du Kenji à fond. Tous les jeunes écoutent Kenji, je suis forcément cool. À quel moment votre père se croit cool et même si vous lui dites pas, vous dites non papa, t'es à côté de la plaque? Laure, j'ai trop de peine, mais mon père, il se croit cool quand il joue au tennis, parce que comme il a 74 ans et qu'il sait qu'il est hyper frais pour son âge, il joue au tennis et donc il dit à Juju, bah il invite Juju à jouer avec lui et genre il frime devant mon mec parce qu'il est frais quoi. Par contre il cartonne au golf hein, là vraiment. Moi mon père, je sais, il se croit cool, c'est quand il demande la machine à carte bleue, il dit toujours monsieur, la Game Boy. Et il pense que la blague est encore bonne. C'est la peine. Elle ne l'est plus. Non, elle est plus bonne. Je note. Il a un autre truc aussi, c'est il va danser toujours. Dès qu'il y a un mariage ou quoi, il danse toujours sur Maître Gims ou quoi. Genre, il peut ne pas faire les rocks ou quoi, machin. Mais dès qu'il y a le moment jeune, dans tous les mariages, il y a ce moment jeune. Là, mon père, il se lève et hop, là, alors, je suis dans le groupe. Ça, c'est mon père. Oui, Pauline, au standard. Mon père, il se croit cool quand il s'achète des tennis chez Decathlon. Enfin, il s'est acheté des chaussures de running Asics de toutes les couleurs. J'ai trop honte. Oh. Mais ça, avec sa tenue normale. Mais c'est Asics. Je lui dis, papa, arrête, s'il te plaît, va courir avec. Mais bon, il court pas. Bah non, père, c'est pareil. Il prend plein de chaussures de running, mais c'est des chaussures de canaping. Il se met des chaussures, mais genre pour runner, mais ça. C'est que dans le canapé. C'est ça. Mais il regarde du running, hein, en revanche, dans son canapé. Hein. Oui, Nico du bureau. Oui, et puis ils ont aussi leur polo de sortie. Moi, il a son petit polo Eden Park de sortie avec le petit pull sur les épaules. Il sait que c'est son petit polo de sortie. Moi, c'est pareil. Ils ont le petit polo de sortie. Ils se croient cool à ce moment-là. Audrey nous a appelé, Loïc aussi. Et merci, hein. On a lancé le hashtag il y a à peine même pas 10 minutes. Vous êtes très nombreux à réagir. Audrey, Loïc, à quel moment votre papa se sent cool? Ma petite Audrey, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Oui, c'est pas cool quand à l'apéro il laisse son verre, il fait santé, mais pas les pieds. Bah ouais. Envie de partir en courant. Bah ouais, mais les papas, ils aiment les blagues. Ouais. Ils aiment les blagues. Mon père, il dit toujours, dès qu'il y a un serveur qui ramène une carafe d'eau, il dit faut faire attention, hein, prévenez Vigipirate. Et ça, je me dis, mais pourquoi? Bah parce que l'obus éclate. Ah non, mais c'est mon père, il adore faire des blagues. Il peut pas, mon père, imaginer quitter un resto sans être devenu meilleur pote avec le serveur. C'est pas imaginable pour lui, Clément. Mais depuis qu'il y a eu le pourboire inventé, tous les serveurs font ah, elle est bonne, vraiment. Super, la blague de la garde. Non. Et moi, ça me fait un peu de peine tout ce qu'on raconte parce qu'en fait, je m'imagine ma fille en train de me déchirer avec ses copines et dire oh là là, ma mère est tellement ringarde. Je te confirme. Loïc Combichon, ça va? Oui, salut Camille, salut à toute l'équipe. Et vous êtes très nombreux dans notre cas parce que on les adore, mais il y a toujours des moments où ils se disent ah, je suis un peu frais. À quel moment toi ton papa il se sent cool, mon pote? Salut. Alors moi c'est systématique hein. C'est quand il va chez le boucher, il croit qu'il lui a réservé la plus belle pièce de viande. Et puis là t'as vu mon entrecôte, t'as vu ceci machin. Du coup ils font foireur toute la journée quoi. Il sait pas que tous les autres derrière aussi ont la meilleure pièce de la journée. C'est clair. Bah évidemment, mais c'est ça qui fait plaisir. Tu te sens cool à ce moment là, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai qu'ils font ça. Mon père c'est pareil, vous savez, il y en a très nombreux à l'avoir. J'ai une casquette des Yankees. Ouais. Vous voyez, c'est le truc NY, tout le monde là et tout. Et j'en ai oublié une il y a deux étés et il la met. Les amis, quand il la met, mais je pense qu'il pense que c'est mais Leonardo DiCaprio. C'est de genre de bah, que je suis américain, il écrit New York sur la casquette. C'est des gens d'enfant que je suis américain. Oui, non. Et en plus, les pères, quand ils mettent des cassettes, je sais pas pourquoi, mais ils l'enfoncent pas. Ils la mettent presque. Vous savez, juste. Il reste vachement. il la pose juste sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Le père, il la pose comme ça, ils font hop là, juste elle est posée. Bah parce qu'ils ont des plus grosses têtes que nous. Tu crois? Bah je pense, ouais, en vieillissant, ta tête est grande. Mais non, mais elle se règle. Ils savent pas qu'elle se règle, mignon. Nico du bureau. Et maintenant, à 6-7 ans, moi, mon neveu, par exemple, ils ont des casquettes donc avec visière plate et ils laissent les autocollants dessus, c'est comme aux États-Unis. C'est la mode. Et sauf que moi, j'ai dit, bah je vais faire comme lui, tu vois. Et sauf que, bah, du coup, c'est moi qui deviens le ringard. Ça, c'est hallucinant. Il faut que j'offre une casquette comme ça à mon père. Ah ouais. Faut que j'offre une casquette à la Justin Bieber à mon père, c'est obligatoire. Les amis, on prendra toutes les photos. Restez avec nous sur Virgin Radio, les amis. Il est 7h30 tout juste. On fait un point sur l'actu. Les 21 Pilots, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Et tous nos journalistes qui sont prêts à vous faire la l'actu 2 minutes à peine. Et on revient avec vous, bien sûr. On vous lâche pas chaque matin. Oh, à la foire au vin chez U, il y a des bons crus, hein. Il faut voir les prix. Et attendez, en plus, jusqu'à samedi, avec votre carte U, vous avez 30% en euros carte U sur vos achats de vin et champagne à Collerette Violette, celle qui signale les meilleurs choix du club des vins et terroirs. 30% à valoir sur vos prochaines courses. Alors, retournez chez U et dardard, allez, c'est jusqu'à samedi, hein, parce qu'après, c'est fini. À partir de 30 euros d'achat, détails et conditions dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une très belle journée aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Des averses uniquement sur les régions bordées par la Manche. Soleil partout ailleurs, mercure 23 degrés en moyenne cet après-midi. Dans les Antilles, on retient son souffle au passage de Mathieu. La tempête tropicale touche la Martinique placée en alerte rouge. La Guadeloupe est-elle en vigilance orange? Les fortes pluies et les rafales de vent ont déjà provoqué des dégâts en Martinique et qui a décidé de fermer ses écoles et ses crèches. Une cellule de crise est mise en place. Le ras-le-bol des surveillants pénitentiaires, ils dénoncent une dégradation de la sécurité en prison. Les syndicats appellent à des actions ce jeudi, notamment des blocages d'accès au site. Nos prisons accueillent 70 000 détenus actuellement pour seulement 60 000 places. On va à la catastrophe, selon le syndicat UNSA Justice. La France va rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, un hommage national célébré le 14 octobre à Nice, en présence du chef de l'État. Premier hommage national décentralisé. La cérémonie devrait avoir lieu sur la colline du Château, un belvédère du Vieux-Nice, surplombant la baie des Anges. L'attentat djihadiste a fait 86 morts et plus de 400 blessés fauchés par un camion sur la promenade des Anglais. Le crash du vol MH17 en Ukraine. Les premiers résultats de l'enquête internationale ont été révélés. Les pro-russes sont mis en cause. Le missile utilisé avait été acheminé de Russie et tiré depuis une zone rebelle. 298 passagers étaient à bord du Boeing de la Malaysia Airlines. La Russie parle d'une enquête biaisée. Les grands de ce monde seront demain aux obsèques de Shimon Peres. François Hollande a convié Nicolas Sarkozy à se rendre avec lui en Israël. Sur place, la population va pouvoir se recueillir dès aujourd'hui à Jérusalem sur la dépouille de l'ancien président. Il est décédé hier à 93 ans. Le mondial de l'auto ouvre ses portes à la presse et aux professionnels ce matin à Paris, porte de Versailles. Pour le public, ce sera à partir de samedi et jusqu'au 16 octobre. La tendance cette année est au gros SUV, Peugeot 5008, Renault Koleos et autres Audi Q5 et aux voitures électriques. Citroën dévoilera la nouvelle C3 et Renault son nouveau grand scénic 7 places. Dans l'actu agenda, le coup d'envoi samedi de la célébration d'Halloween à Disneyland Paris. Le célèbre parc d'attractions va plonger dans une atmosphère entre trouille et citrouille jusqu'au 2 novembre. En foot, deuxième journée de l'Europa League. Ce soir, Nice sur la pelouse russe de Krasnodar dès 19h et Saint-Etienne face à Anderlecht à 21h05. De son côté, le PSG a pris la tête de son groupe hier soir en Ligue des Champions en s'imposant 3-1 sur Ludogorets en Bulgarie. Voilà pour l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec Virgin Radio. À tout à l'heure pour d'autres infos. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Belle matinée à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, merci de nous rejoindre, 7h34 quasiment, on est là avec vous comme tous les matins bien sûr, peut-être déjà sur la route en train d'amener les enfants à l'école, d'autres sont encore à la maison, nous en tout cas on vous lâche pas, il y a Laure, il y a Clément, bonjour. Il y a la Popo du Standard, oui, Popo, qu'est-ce qu'on offre dans pas longtemps au Standard? Encore plein de choses, mais là dans quelques petites secondes, PS4 avec un jeu de FIFA 17. Ah super, le jeu FIFA 17 il est même pas encore sorti, c'est le tout dernier. Est-ce que tu peux nous dire un peu les améliorations par rapport à FIFA 16? Et ben les joueurs vont. Ah, il sort aujourd'hui. Excusez-moi, il sort aujourd'hui, mais on vous l'offre déjà depuis plusieurs jours. Il sort aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va mieux par rapport à FIFA 16, Pauline? Et ben il court plus vite sur le terrain. Et le monsieur qui est dans la cage, il rattrape mieux. Le monsieur. Le gardien de but. Le gardien. D'accord. Et sur les graphismes et tout, par exemple, quelles sont les équipes un peu pipées? Ah bah c'est des équipes. Munich. L'équipe de Munich. Elle n'y connaît rien, mais vous, je le sais, qui comme moi êtes fan du jeu, vous savez que c'est un très beau cadeau avec la PS4 qui va avec. C'est dans quelques minutes à peine. On jouera au 8-bit game, tiens. Ah, cool. Parce qu'on parle de jeux vidéo, c'est on reprend des morceaux actuels, version 8-bit. Vous savez, comme à l'époque de Super Mario Bros. Vous rappelez? Ouais. Voilà, que comme ça, avec des vieux instruments, on s'amuse à reprendre des morceaux actuels, des morceaux que vous entendez sur Virgin Radio. 3916 pour nous joindre. 21 Pilots qui arrive dans un instant. Le réponse à tout de Clément Lincruste aussi. Mais avant, je voudrais vous parler d'un truc de dingue. Peut-être que vous venez tout juste de vous réveiller. Ben, je sais comment vous faire maigrir pendant que vous dormez. Ah, je veux savoir. Oh, génial. Vous maigrissez pendant que vous dormez. Vous savez ce que vous faites? Non. C'est une étude réalisée au Danemark. Mmh. On a déjà appris que ce matin que le Groenland était rapatrié au Danemark. Ah oui, j'ai rattaché. Si vous venez de nous rejoindre, hein, vous êtes passé à côté de beaucoup d'infos importantes. Eh bien, sachez que prendre un verre de vin avant de se coucher fait maigrir. Ah ouais? Eh oui. Il y a une molécule, le resveratro, qui facilite la perte de poids pendant la nuit. Alors, je rappelle, c'est évident qu'avec modération, faites attention, mais visiblement, selon cette étude, un petit verre de vin pendant le repas avant de dormir, ça en perd un peu de poids pendant son sommeil. Pauline? Tu vois, l'année dernière, je sortais pas le soir, enfin la semaine, et du coup, j'ai grossi. Alors qu'avant, je sortais toujours le soir boire un petit verre avec mes copines, et je maigrissais. J'avais les dents noires, mais je maigrissais. Pourquoi les dents noires? Parce qu'en fait, j'ai les dents très sensibles au vin, et ça me les colore. Ah, le vin rouge, ça colore les dents. C'est horrible. Eh oui, c'est vrai, l'or. Je vais m'y mettre. À quoi? À l'alcool. C'est juste un verre de vin. Je vais essayer cette. Mon petit Clément. Non, parce que moi j'en prends quand même assez régulièrement et pas mal. Et puis au niveau de tout ce qui est maigreur et tout, c'est pas forcément. On n'est pas sûr de la grosse maigreur. Ça n'a pas trop marché. Hein. Et sur les dents noires, en revanche. Exactement. Je plaisante. Bon, les amis, faites comme vous voulez, en tout cas avec modération, c'est important. Tout de suite, le réponse à tout. Réponse à tout. Bien sûr, Clément l'a compris, nous aussi, chaque matin, Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants qui ont entre 7 et 10 grammes. Hein. Non, 7. Parler d'alcool, c'est pour ça. 7 et 10 ans, voilà, les réponses sont toujours très mignonnes. Et je leur ai demandé ce matin tout simplement ce que voulait dire l'expression prélevé à la source pour les impôts. Qu'est-ce que ça veut dire, les impôts prélevés à la source, à ton avis? Ça veut dire qu'en fait, il y en a, ils travaillent. Comme des impôts, j'ai travaillé, mais à côté d'une source d'eau dans les montagnes. Et donc ils payent des impôts à la source? Oui. C'est-à-dire qu'ils mettent l'argent où? Ils le mettent dans la rivière, comme ça, ça coule et ça tombe pas. Après, ça descend jusqu'à la mer. C'est jeter l'argent par la fenêtre? C'est jeter de l'argent par la fenêtre, en fait. Sauf que, au lieu de l'acheter par la fenêtre, tu l'achètes par la rivière. Est-ce que tu sais ce que c'est que les impôts, toi? C'est des trucs qui font payer et qui font râler les grands. Ça fait râler les grands, les impôts? Oui. Et un impôt sur le revenu, ça veut dire quoi? C'est un impôt, c'est des impôts qui reviennent tout le temps. Par exemple, tu fais des impôts, l'année prochaine tu fais les mêmes impôts. Je suis trop petite, je paye pas d'impôts, donc merci de me poser une autre question. Réponse à tout! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Prochaine réponse à tout exactement à la même heure demain sur Virgin Radio en exclu. 21 Pilots, Ride, bon réveil. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Tonic. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. For you That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. À vous tous. Merci d'avoir choisi Virgin Radio pour démarrer vos journées. Vous êtes plus nombreux à nous rejoindre chaque jour, à changer vos habitudes pour vous réveiller avec Laure, avec Clément, bonjour, avec la popo du standard. Courage à toutes les mamans, tous les papas aussi qui sont déjà sur la route pour déposer les enfants à l'école. Peut-être sur la D901, entre Danvitou et Vignoles, les Hattons-Châtel. Le soleil est en train de se lever du côté de la Meurthe-et-Moselle. Ah. Plus rêver de dire sa phrase. Merci en tout cas d'être là. On vous offre aussi des beaux cadeaux. Vous le savez, ce matin, une nouvelle fois, grâce à nos amis de chez Brossard, le kit complet Brossard, avec l'iPhone, les brownies à volonté, un séjour tout frais payé à Paris. Et puis pour le moment, c'est un autre très beau cadeau. Le jeu sort aujourd'hui avec EA Sports. On vous offre la PS4 et le tout dernier jeu, FIFA 17. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. C'est parti, c'est le 8-bit game. C'est le 8-bit. 8-bit game. 8-bit game. Et juste après le pop rock électro que vous aimez, on va se refaire un petit Major Lazer, ça vous dit? C'est ce que je vous ai préparé, Lean On, dans un instant, ne bougez pas. Mais avant ça, le 8-bit game, c'est simple. Que des morceaux que vous entendez sur Virgin Radio, plus ou moins récents, mais voilà, des morceaux actuels. Il va falloir me retrouver l'artiste interprète, puisque ces morceaux, on les a rejoués, puisqu'on parle de jeux vidéo, version 8-bit. Bam, bam, bam, bam, padam. Version 8-bit comme à l'époque de Mario Bros, tout ça avec des vieux instruments, Laure. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à Donkey Kong. Ah, ben j'adorais. Donkey Kong, après il y a eu Crash Bandicoot. C'était trop vieux. Oui, mon Nico du bureau. Tu sais qu'ils ressortent la Nintendo, là, la vieille, et ça cartonne. C'est en train de cartonner en précommande, etc. Ça sort qu'au mois de novembre, je crois, mais tout le monde la veut. Moi, j'étais un truc de fou, je partais chez mon pote. Mon pote, c'était un dingue, il s'appelait Nicolas. Nicolas Saintin. Je l'embrasse. Et en fait, c'était un truc de dingue. Ses parents, dans le jardin, avaient mis une caravane. Et la caravane, c'était que pour lui et son frère Vincent. C'était leur salle de jeu. Une caravane, c'est fou. Lui, c'était sa caravane. C'est génial. Et dedans, donc il lui a mis la télé, tout. Et il avait la Nintendo, la première, et on jouait à Duck Hunt. On chassait les. Il avait la Nintendo, mais avec le pistolet. Le sommet. Dans une caravane. C'est mes meilleurs souvenirs. J'embrasse très fort. Oh là là là là. J'étais comme un fou. Et là, c'est Pauline qui va jouer avec nous ce matin. Salut Pauline. Allô ma popo. Allô. Oui Pauline, bonjour, comment vas-tu? Bonjour ma belle. Je suis ravie de t'entendre. Ma Pauline, attention, trois extraits repris version 8 bits et peut-être la PlayStation pour toi, d'accord? Ok, ça marche. C'est parti ma belle, premier extrait. On y va, c'est parti. Jouez aussi, hein, vous aussi en voiture à la maison. Je sais que vous l'aimez bien ce jeu. Ah oui. C'est excellent. C'est excellent avec tous ces vieux instruments. Est-ce que tu as retrouvé ma petite Pauline? Il a 19 ans, il s'appelle Valentin, il vient d'Aix-en-Provence. Je pense avoir retrouvé, je pense à Kung. Eh oui, bravo. Je m'appelle Valentin, j'ai tout juste 19 ans. Je viens d'Aix-en-Provence. Ah vraiment, on l'adore. Et en plus maintenant, ouais, il cartonne partout. Maintenant, ouais, toutes les radios le font venir et tout. Je peux vous dire que alors lui, c'est pas qu'on l'a découvert, c'est qu'on l'a carrément sorti de la boîte de nuit à Aix-en-Provence. Ouais. On lui a dit, oulala, t'es bon toi sur le quart d'heure américain, viens chez nous, c'est parti. On est très très fiers de lui, il est adorable. Kungs, première bonne réponse. Ma popo, on y va, deuxième extrait. Bonne chance à toi si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin, c'est le 8-8 Game. Dur. En fait, on reconnaît, oui, mais en fait, je peux pas vous imaginer quand même, on est là tous les matins. Ouais. Je suis honnête avec vous, parce que je regarde pas exprès les réponses pour jouer avec Pauline qui est avec nous au 39-16. Donc je reconnais, je sais que c'est un morceau qu'on joue très souvent, ouais, je très pourrais souvent plus vous dire le titre. C'est dur hein, comme jeu. Hein. Ma popo, est-ce que t'as retrouvé? Je pense pas, mais enfin l'air, ça m'a fait penser à Imani. Hmm, à qui? Imani. C'est ça. Imani. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Eh oui, eh oui. Eh oui, c'est Imani, ça fait deux bonnes réponses, c'est gagné pour toi, bravo! Oh là là là là là là, mais quelle est forte celle-ci! Et deux extraits, et c'est gagné, bravo ma belle! Déjà, bravo d'avoir eu la chance d'être tiré au sort au 39-16, de très nombreux à nous appeler, hein, que ce soit pour l'iPhone, pour la PlayStation. Et donc, c'est gagné pour toi, ma chérie, avec le jeu FIFA 17 grâce à EA Sports et Virgin Radio. Génial, super, merci. Eh ben on est très heureux, on te fait des bisous ma belle, encore félicitations. On écoute Major Lazer? Ouais. Ah ouais. J'ai pas compris, on écoute Major Lazer? Ouais. Ouais. Je vous sens pas à fond, je le mets pas. Allez. Tant pis, ben non, tant pis. Allez, s'il te plaît. Vous entendrez un slam à moi à la place. Oh non. Il y en a actuellement qui m'envolent. Et ça me met le cœur bigle. Ok, on met Major Lazer? Ok, on met Major Lazer. Vous le voulez? Oui, oui. Ok, là j'y crois, c'est parti. Dis-nous un bon réveil sur Virgin. Virgin Radio, c'est jeudi aujourd'hui. On est tellement heureux d'être avec vous les copains chaque matin, avec mon équipe qui est là. Oui, oui. On va se faire des câlins, nous aussi, comme vous, pendant Healthy dans un instant. On revient surtout avec un loyer, on vous le paye tous les matins. Dernier tirage au sort déjà, c'est dans un instant à 8h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Il est pas trop tard, le Virgin Tonic, on est là chaque jour. Courage à ceux qui sont en voiture, courage à ceux qui sont encore à la maison. Air France. France. La France is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kilos, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Hier, je me suis aperçue que mon phare avant droit ne fonctionnait plus et je voudrais changer l'ampoule toute seule pour réduire mes frais. Eh bien, commandez dès maintenant vos ampoules de phare sur oscaro.com. Oscaro vous propose tous les modèles d'ampoules, quelle que soit la marque de votre véhicule, jusqu'à 2 fois moins cher. Merci du conseil, Oscaro. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Paradis. Un petit peu toi et moi. Je sais pas. Retrouvez toi et moi sur l'album de Paradis. Un petit peu toi et moi. Paradis, premier album. Il y a des prix qui vous font dire... Non mais une douche froide le matin, ça réveille. Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 1290 euros seulement, la chaudière à gaz Vergne MCE2 à condensation instantanée. Pour de l'eau chaude sans attente et jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière classique. Assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûre de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah pour Lidl ? Ah non, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio, des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup hein. En ce moment par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins d'un euro les 4 ? Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Ah, pas de pot hein, c'est le vrai prix. Ah on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nouveauté. Virgin Radio. Ça te fait pas ça, quelque chose en toi, quand nos passés se répondent et qu'on se retrouve juste toi et moi. Mais moi je fonds, je me reconnais pas. Quand tu te détaches et que les mots ne viennent pas. Et je sens bien que je me prends mal, que tout ça c'est pas normal. Que tu voudrais la version sous-titrée. Laisse-moi voir ce qu'il reste à voir. Emmène-moi vers le grand soir. Te souffler si tu veux bien m'écouter. Un petit peu toi et moi. Je sais plus, je sais pas. Et toi, t'en penses quoi? J'attendrai là, en bas de chez toi, jusqu'à ce qu'on voit le monde et que le temps ne compte pas. L'un contre l'autre, le mien sera nôtre. Si nos futurs se confondent et qu'ils se suivent ici et là. Mais je sens bien que je m'y prends mal, que tout ça c'est pas normal. Que tu voudrais la version sous-titrée. Laisse-moi voir ce qu'il reste à voir. Emmène-moi vers le grand soir. Te souffler si tu veux bien m'écouter. Dis-moi toi et moi. Je sais plus, je sais pas. Dis-moi toi et moi. Et toi t'en penses quoi? Un petit peu de toi et moi. Un petit peu de toi et moi. soyez les bienvenus dans le Virgin Tonic. Peut-être que vous nous rejoignez tout juste. Il y a des chanceux hein, qui se réveillent que maintenant. Mais je sais que pour bon nombre d'entre vous, vous avez déjà vous êtes occupé du petit-déj de vos enfants. Vous êtes en train de les emmener à l'école. Peut-être déjà sur la route du travail. Nous, on est avec vous. On est tous là. Oui, oui. On a plus de 60 journalistes qui se réveillent à vos côtés chaque matin en France. Ils vont arriver aussi pour l'actu, comme tous les matins à 8h. Ne bougez pas. Et puis juste après 8h05, on a les meilleurs auditeurs de France. Vous êtes plus nombreux chaque matin. Et c'est pour ça qu'on a une séquence qui est faite uniquement par vous et qu'on adore. C'est la question de ouf. Vous laissez vos messages sur notre répondeur et on les écoute chaque matin, Clément. Quelle est la pire phrase qu'on t'est sortie pour te larguer? C'est la question qu'on vous a posée ce matin. Eh ben voilà, vous êtes nombreux. 39-16, nombreux sur les réseaux. On lit les messages puisqu'on a lancé un hashtag. Oui. Oui. Le hashtag du jour, Ginger, mon père, se croit cool quand. Ouais. Ok. À quel moment votre père dans la vie se croit cool? C'est le truc des papas. Et alors Nico du bureau qui aujourd'hui est papa, c'est normal aussi. On se voit moins vieillir, mais dans quelques années, ta fille elle dira mais il est à côté de la plaque, c'est normal. Ouais, ça se trouve, elle le dit déjà. Oui. Oh, pas encore ça. Encore la petite Lila. Mais bon, ça viendra et c'est normal. Ouais. Mais à quel moment votre papa il se croit cool, Pauline? Moi, c'est quand il commande japonais, à chaque fois il dit c'est pas original quand même de manger avec ses petites baguettes là. Alors que nous, on a l'habitude depuis 15 ans quoi. J'adore, ma mère elle a jamais mangé japonais. Ah ouais? Elle est persuadée qu'elle aime pas, mais j'adore, mais je dis mais t'as goûté? Non. Mais je dis mais pourquoi tu goûtes pas? J'aime pas. Je dis mais si t'as pas goûté, tu peux pas savoir. Ben non, je veux pas goûter, j'aime pas. Mais pour t'es pas aimé, il faut que t'aies goûté. Non, j'aime pas. Elle est bloquée sur ça, elle mange pas japonais. Tiens, il y a Emma, il y a Greg aussi qui est là. Salut mon Greg. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Greg, je vois tellement plus avec mes yeux, j'ai des problèmes de vue. Je vois tellement plus. Greg au standard, je lisais Oreo. Le gars s'appelle Oreo. Je vous promets, je suis tellement, je vois plus rien. Il y a Oreo avec nous aussi. On a adoré. À quel moment vous aussi, votre papa, il se sent cool? Merci pour tous les messages sur les réseaux. À quel moment toi, Oreo? Alors moi mon père en fait c'est très simple, il se croit cool quand il arrive sur la page et qu'il met ses lunettes de soleil, il se prend en fait vraiment pour Jeff Détuche quoi. Sur la plage au moment des lunettes de soleil. Voilà, au moment de mettre ses lunettes de soleil, voilà. Oh là là, moi mon père aussi c'est un truc, mais c'est normal, les papas c'est au moment où ça touche aux nouvelles technologies. Genre il a appris à enregistrer sur son truc sa box là. Ouais. Donc il montre à tous ses potes qu'il sait faire et il a un truc. Il n'y a pas une personne qui peut rentrer chez moi la première fois sans qu'il lui montre le bouton pour descendre tous les volets en même temps. Les amis, pour lui, mais c'est comme si c'était mais le patron de Facebook. Il trouve toujours une excuse, dire un peu de soleil. Non, le gars fait non, pas du tout. Il y a un peu de soleil. Ben non, il est 23h. Je vais appuyer sur mes volets. C'est sa passion absolue, quoi. Nico du bureau. Mais tu connais le picture in picture quand tu peux mettre une deuxième image dans l'écran de la télé? Oh, voilà. Non. Ah là là. Mon père, il se désintègre. ça dépasse son seuil de compétence. Oui, Pauline. Moi, quand il a appris à scanner, il a scanné toute la maison. C'est-à-dire que. Et puis en plus, il nous l'envoyait par mail. Et là, je lui ai fait découvrir WeTransfer pour pouvoir mettre les fichiers, tu vois, envoyer, je sais pas, 200 photos dans un petit fichier. Et il a envoyé 1000 WeTransfer à tout le monde, toute la famille. Mais il y a une histoire un peu comme ça, je sais pas si tu la connais, Oreo, au standard. Est-ce que je vais vous dire une vraie histoire? Je l'ai lu, hein, je ne connais pas le gars. Vous connaissez tous Jacques Dutronc. Oui, bien sûr. Ouais, oui. On connaît tous Jacques Dutronc. Oui. Et il a une maison en Corse, Jacques Dutronc, et il a peut-être quelque chose comme 40 chats. Il est passionné de chats, il a plein de chats. Et quand le fax a été inventé, il passait sa journée à écrire miaou sur une feuille et envoyer miaou à ses chats. Parce qu'en fait, il se disait, les chats, ils sont dans une salle et tout. Et quand le fax arrive, ça fait... Donc, il s'est rendu compte que ses chats regardaient. Donc, toute la journée, ses chats recevaient des fax avec écrit « Miaou ». C'est tellement drôle. Tu m'étonnes qu'il fasse moins d'albums. Il est occupé. Non, mais c'est vrai. Ça, je l'ai lu. Hein. C'est une vraie histoire, Pauline. Mais ça veut surtout dire que les chats savent lire. Non, ça veut dire que lui pense que c'est chiant. Non, je te jure, Pauline. Emma, ma belle, à quel moment ton papa se croit cool, toi aussi? Salut. Oui, salut Camille, salut l'équipe. Salut. Coucou. Ben moi, il se sent cool depuis qu'il a collé l'autocollant en breton à bord sur la voiture, quoi. Breton à bord, comme bébé à bord, breton à bord. Voilà. J'ai même plus envie d'y rentrer dedans, quoi. Oh là là, il a mis le petit autocollant à l'arrière. Ouais. Oui, Nico du bureau. Le plus connu, c'est Alès Braise. Breton. Il y a aussi le truc GRD Groland là. Oui, genre on est de Groland. Et puis il y a le note surtout. Bah oui, surtout. Mon père, c'est que derrière sa voiture, son autocollant, c'est je rigole pas tout seul, j'écoute le Virgin Tonic. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Ça rentre sur les Jaguars. Il roule en Citroën, mon père. Je rappelle que le père de Laure est dentiste, donc évidemment. Il roule en Citroën C4. Tu vois comme quoi t'es mauvaise langue. Ah bon? Ouais. C'est sérieux? Non, je te promets. Ah bon? Bah écoute, bah, il casse les clichés ouais. sur les dentistes. Bah oui. C'est sympa. Enfin, il la garde dans le coffre de sa Jaguar. Oui, Pauline. Non, j'allais dire, c'est celle de la semaine. Mais c'est grave. Attends, ça va les clichés c'est là? C'est une C4 Picasso, mais avec un vrai Picasso. C'est ça la voiture du père de l'eau. Ah, mais les dentistes, hein. Qu'est-ce qu'on est, je dis? Les amis, restent avec nous sur Virgin. Je rembrasse encore Oreo et Emma. On revient là, juste une petite pause avec l'actu. Là, on est là avec vous, hein, nos journalistes 2 minutes. Et puis on revient. Et puis c'est LP, je vous l'ai dit, qui arrive pour le pop rock électro. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, des averses aujourd'hui sur les côtes de la Manche. Sinon ce sera du grand soleil sur le reste du pays. Mercure à 20 degrés en moyenne ce matin. Ça grimpera jusqu'à 29 cet après-midi du côté de Toulouse. 23 à Marseille, 24 à Paris et 27 à Bordeaux. La Martinique en alerte rouge, la Guadeloupe en vigilance orange. Les Antilles se sont secouées depuis hier par la tempête tropicale Matthew. De fortes pluies, des orages, des vents violents et une mer agitée. 20 000 foyers déjà privés d'électricité. Une cellule de crise est mise en place. Les surveillants de prison appelés à manifester ce matin, ils prévoient de bloquer les accès aux établissements pénitentiaires, mais aussi certaines extractions. Un mouvement pour dénoncer l'insécurité dans nos prisons surpeuplées. 70 000 détenus pour 60 000 places. Les prix des carburants devraient rapidement remonter en flèche. C'est l'objectif en tout cas des pays de l'OPEP qui ont décidé hier soir, et à la surprise générale, de limiter la production de pétrole. Tout ce qui est rare est cher. En devenant plus rare, le pétrole va devenir plus cher. Ça nous amène au mondial de l'automobile qui ouvrira ses portes au public samedi à Paris. Parmi les tendances de cette année, les SUV de grande taille et les voitures électriques. Renault pourrait annoncer un doublement de l'autonomie de sa Zoé jusqu'à 300 km. Et Volkswagen va présenter un prototype capable de rouler 600 km entre deux recharges. Le mondial de l'auto du 1er au 16 octobre, porte de Versailles à Paris. François Hollande sera à Nice le 14 octobre pour un hommage national aux victimes de l'attentat djihadiste du 14 juillet. 86 morts et plus de 400 blessés, je vous le rappelle. Ce sera la première fois qu'un hommage national sera décentralisé. La grande méfiance face à la vaccination, c'est le dossier à la une du Parisien ce matin. La France est le pays au monde où l'on doute le plus de l'efficacité et de la sécurité des vaccins. Les médecins sont complètement dépités, d'autant que certaines maladies que l'on pensait éradiquées reviennent en force, comme la rougeole ou les oreillons. Les drapeaux seront en berne aujourd'hui en Israël, un hommage à Shimon Peres, décédé hier à 93 ans. Sa dépouille sera exposée au public aujourd'hui à Jérusalem. Israël se prépare à recevoir de nombreux dirigeants de la planète demain pour ses obsèques. Les Trois Mousquetaires, adaptés en comédie musicale. La première, c'est ce soir au Palais des Sports de Paris. Olivier Dion, Damien Sargue, David Van et Brahim Zaibat sous les traits de D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Au casting également MJ, la gagnante 2015 de Nouvelle Star qui interprète Milady. Les Trois Mousquetaires à découvrir donc dès ce soir sur la scène parisienne du Palais des Sports et puis en tournée partout en France à partir du mois de février. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Vous êtes ici à la maison, vous le savez, c'est le Virgin Tonic chaque matin à vos côtés, 6h, 9h. Peut-être qu'il y en a qui se réveillent tout juste. Oui. Eh ben, je vais vous dire, ne soyez pas jaloux. Vous qui êtes réveillés depuis 6h, vous qui êtes réveillés depuis 7h, vous qui verrez très tôt que ça veut, qui êtes déjà sur la route pour le travail, qui êtes peut-être même déjà au bureau. Eh ben, vous avez bien raison, puisque j'ai une info incroyable. Ah. Là, vraiment, voilà, pour tous ceux qui se lèvent tôt, je vais vous rassurer. Vous qui êtes déjà sur le point de déposer les enfants, faire des grasses matinées, c'est mauvais pour la santé. Ouais. Ah, j'en étais sûr. C'est des chercheurs, bien sûr, oui, de l'université de Pittsburgh. Dans quel état Pittsburgh, Laure? États-Unis. Non, j'aurais tellement rêvé la rencontrer à l'école. T'imagines? Laure, dans quel état Pittsburgh? Dans les États-Unis. C'est la seule qui peut te sortir des trucs pareils. Ginger. Sinon, c'est en Pennsylvanie. Hein, merci. Ouais. Elle vient de lever le dé de son ordinateur. Ginger, mais cette équipe. Ginger, je la vois sur l'ordi, elle lève le nez. Je dis oui, Ginger. Sinon, c'est en Pennsylvanie. Hein, alors, les amis, en Pennsylvanie, Pittsburgh, ouais, ils ont découvert ça. Ouais. Les grasses matinées sont mauvaises pour la santé. Plus vous dormez, plus vous avez de chances de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires et de prendre du poids. Donc, finalement, plus vous vous levez tôt, plus vous êtes en bonne santé, Laure. Ben voilà, c'est pour ça que je me couche tôt, parce que les heures de sommeil qui te font récupérer, qui sont bonnes pour la santé, c'est entre 9h, on va dire, et 7-8h. Bah ouais, bah ouais, mais je suis en... Regarde, j'ai 40 ans, j'ai pas une ride. Ouais, mais t'es pas souvent au bureau non plus. C'est pas faux. Mais je fais pas de grasse mat. Ben c'est bien. Oui, ma Pauline, au standard. Il y a plein de trucs qui sont mauvais pour la santé, mais qui sont hyper bons quand même dans la vie. Genre boire l'alcool toute une soirée. Non, alors boire de l'alcool, on en a parlé en plus un peu plus tôt dans l'émission. Boire de l'alcool avec modération, c'est important. Oui. C'est pas si mauvais que ça. Oui, mais du vin rouge, mais par exemple boire 3 vodkas, c'est pas bon. Ah non, il faut surtout pas. Voilà. Clément, moi j'ai un souci avec le proverbe, je sais pas si c'est l'avenir ou la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est l'avenir, je crois. Mais personne n'est jamais d'accord. L'avenir. Mais c'est l'avenir. Ah bah vous êtes d'accord en fait. Pardon, j'étais le seul pas d'accord. Il vient d'où ce proverbe, Ginger? De Pennsylvanie. Alors, et je le sais en plus. Vas-y. Voilà. Attends, excuse-moi. Il faut se mettre. Il faut. Oui, ouais. Pardon. Sans ordinateur, on fait moins la maligne, j'ai l'impression. Ça, c'est un peu compliqué. Merci à toi. LP, Lost on You, les amis. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Mais avant tout, question de ouf, pardon. Question de ouf. Oui, la question de ouf, c'est votre rendez-vous tous les matins à 8h05. Et puis dans une demi-heure, 8h35, ce sera le réponse à tout. La question de ouf, on adore parce que vous êtes tellement drôle. On a simplement laissé un répondeur à votre disposition. C'est vous qui êtes marrant et vous nous faites rire vraiment tous les matins, Clément. Et on vous a posé une question. La question ce matin, c'est quelle est la pire phrase qu'on t'ait sortie pour te larguer? La pire phrase qu'on m'a sortie pour me larguer, c'est « Je crois que nous deux, ça va pas le faire ». En fait, elle est célibataire, ta sœur? Je suis désolée, mais ta coupe de cheveux, c'est plus possible. Voilà. Super excuse, hein. Ouais, il faut tourner la page, notre livre est terminé, là. Alors moi, j'ai eu droit à... Je ne me vois pas faire ma vie avec toi. Mais bon, au bout de 10 ans, il serait peut-être temps que tu t'en rendes compte, quand même. C'était une bonne expérience, mais c'est fini. Ouais, enfin, j'étais un cobaye, quoi. Tu es mon Titanic. Tu me fais sombrer. Et comme je sais pas nager, je préfère que tu prennes la large. On n'est pas fait pour être ensemble. Et j'ai envie de me donner une chance d'être heureux. Enfoiré, va. Je lui ai dit que j'aimais pas trop le train-train quotidien et que j'étais comme la SNCF, quoi. Que je préfère lui dire tcho tcho. Question de ouf. Je les ai quasiment toutes entendues, ces phrases. Ah ouais. Moi, on m'a largué à cause de mes pieds, tu vois. Comment ça? Bah parce que j'avais des pieds moches. Enfin, d'après lui, parce que moi je trouve que j'ai des pieds magnifiques. T'es fait larguer par quelqu'un qui a. Tes pieds étaient tellement moches? Ouais, mais moi je les trouve magnifiques, mais j'ai des pieds innocents. Comment ça? Je trouve que j'ai des pieds. Ils ont tué personne. Ils ont jamais. Pardon, ouais, ils ont jamais tué personne. Ils sont purs, quoi. Tu les trouves purs? Ouais. Je peux les voir? Attention, si on peut voir, faites-vous votre avis, on va vous mettre la photo des pieds de l'or. Oh là, innocents, il y a 100. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Bah ils sont beaux, tes pieds. Bah voilà, bah il m'a largué à cause de ça. Oui, Nico du bureau. Non, elle a le deuxième qui est plus grand, c'est horrible. Non, mais comment ça? Oh, quel horreur. C'est vrai que t'en as un qui est pas à ta taille. Bah. En fait, t'as des pieds, donc tu mesures dans les 1m60. Ouais. T'as des pieds d'1m60, t'as juste un orteil, il a cru que tu faisais un 84. Il y a un orteil, on l'a pas prévenu, c'est-à-dire lui, il a poussé en mode. Je n'appartiens pas à Adriana Carambeau. Non, mais je vous jure, les pieds de l'or, ils sont très jolis. Ils sont mignons. Mais elle a un orteil, on va mettre la photo. Ah, mais il y a pas de quoi me larguer, quoi. Non, mais attendez, tout est normal. Il y a un orteil, il est à Teddy Riner. Il est genre pour un corps qui est pas le sien. Oui. On dirait qu'elle est blessée. On dirait qu'elle a gonflé de l'orteil. Non, mais c'est. Mais lui doit galérer dans la taille de chaussure. Parce que tu dois faire du 37 et lui il fait du 44. Le pauvre, il doit être tout étriqué, il doit dire mais c'est pas ma taille de chaussure. Les seuls qui doivent t'aller, toi, c'est les Santiago. Parce que moi, ça fait une pointe. Lui se met dans la pointe. Sinon, ça marche pas. Restez avec nous, les amis. LP tout de suite, Lost on You. Et moi, je vais faire un tour aux toilettes après avoir vu ses pieds. Ça va pas. Plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? patience, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. Tous les amis, bienvenue dans le Virgin Tonic. C'est jeudi, c'est le 29 septembre. J'espère vraiment que ça va pour vous, les amis. On vous a mis la photo des pieds de Laure. Hein. N'hésitez pas à commenter. Donc il y a la photo du pied, puis il y a un orteil qui est sur une autre photo parce qu'il rentrait pas à lui, parce qu'il est pas du tout à la bonne taille. Les copains, vous le savez aussi, on en parle depuis ce matin. On a un grand événement. Il faut surtout pas rater l'émission de demain. Elle est quand même incroyable puisque demain, pour la première fois, nous serons en direct de notre nouveau studio. Ouais. On change de ville, on change de département, on change de studio. Ce sera un tout nouveau studio pour vous faire encore plus plaisir. C'est pas pour nous, c'est voilà, techniquement on voulait faire de nouvelles choses, que vous puissiez passer directement directement à l'antenne. Il y a aussi plein de gens qui demandent à venir nous voir dans le studio, et notre studio, bon bah il fait à peu près 4 mètres carrés. Donc là maintenant vous pourrez aussi venir assister à l'émission, tout ça. Donc on est très très heureux de ça. C'est demain l'inauguration et déménagement cet après-midi. Ouais. Déménagement. Alors vous savez ce que c'est, tout ce qui nous écoutait. Déménagement, il y aura forcément un pote qui sera en train de boire des bières et qui ne portera pas un carton. Je suis déjà là. Moi, je peux rien porter, j'ai mal au dos, je le préviens. Ça y est, ça commence. Ça commence. Il y a toujours ça, celle qui a mal au dos. Il y a aussi le pote qui doit passer, qui passe jamais. Oui. Mec, je suis à 20 minutes. Et 4 heures après, il est où? Mec, je suis à 20 minutes. Il passe jamais, Clément. Est-ce qu'on pourra avoir, comme dans tous les déménagements, un gros carton un peu mouillé en dessous? Tu sens qu'il va craquer, mais tu gères quand même. Je m'excuse. Attends, mais tiens, on va prendre du monde au téléphone. Tiens, on va prendre Seb et Diane, par exemple. Salut tous les deux. Salut. Salut les copains. Dites-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y a un déménagement qui s'est fait sans qu'il y ait le truc de tournant du micro-ondes qui se casse? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le micro-ondes, c'est ouvert, le plateau est tombé. J'ai pété ton plateau. Tu casses un truc tout le temps. Non, mais ce truc tournant, là, le fond du micro-ondes, tout le monde l'a cassé, un déménagement. Le micro-ondes ne survit pas. Laissez-le, offrez-le au nouveau locataire. Il ne survivra pas, votre micro-ondes. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a eu dans tous tes déménagements, toi, Diane, par exemple? Salut, ma belle. Salut. Ben en fait, moi, j'ai toujours un carton où je mets des ampoules, alors que je sais que je vais absolument pas avoir les mêmes dans mon nouvel appart. Mais on fait toujours ça. Mais oui, voilà. Mais parce que c'est malheureux, je vous jure, on est tous pareils. T'arrives pas à te dire, je laisse quand même pour 60 euros d'ampoule à quelqu'un que je connais pas ou quoi, Clément. Puis t'as tellement galéré pour trouver les bonnes ampoules, t'es allé 3 fois au supermarché, c'était jamais soit les vis, soit les clips. Donc le jour où t'as les bonnes ampoules avec tes bonnes lampes, tu les gardes. Là, j'ai un vrai souci, moi, dans ma vie, ma petite Diane. Quoi? On en a rigolé quelques fois sur l'antenne. J'ai réellement une des ampoules de ma haute aspirante qui a grillé. C'est Vous savez que c'est l'ampoule la plus impossible au monde à trouver. Si tu l'enlèves, jamais. Quand tu l'enlèves et que tu l'as dans ta main, tu dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est des dosses, il y a des trucs, des antennes, il y a 4 embouts, des trucs en plastique. Tu les trouves que sur Pluton, les trucs, c'est pas possible. Là, je suis en galère. Sébastien, qu'est-ce que t'as trouvé, toi, tous les déménagements, poteau? Salut. Salut. Eh ben, écoute, moi, en fait, y a toujours un carton rempli de livres. Puis t'as toujours un pote, un ami, forcément, qui te dit, mais c'est quoi ce carton? Il y a que des livres dedans, quoi. T'as surtout toujours un pote qui porte à un moment le carton des DVD, qui dit, je peux te l'emprunter, celui-là. T'es en plein déménagement, tu dis, mais ouais, prends-le, qu'est-ce que je m'en fous, là. Et tu le revois jamais, et lui, il est pédard, c'est pas vrai, tu l'as, ce film-là, ça prend 5 jours. Oui, Nico, du bureau. Il y a le gars qui veut équilibrer les cartons, surtout, qui dit, on met 2 livres, après, on met juste un petit coussin. Voilà. Et puis, toi qui essaie d'équilibrer, mais ça marche jamais. T'as toujours le pote, tu vas me donner raison, j'en suis sûr, Seb. T'as toujours le pote. Une fois qu'il déménage, il croit c'est chez lui, il commence à mettre à sa sauce. Ouais, c'est clair. En mode, Ah, tu la mettrais pas là, la plante, moi, comme tu veux. Enfin bon, je. Moi, perso, il commence à ranger les trucs de, mais gars, fais des cartons, tu vois. Clément. Il y a toujours le voisin que tu croises dans le hall et qui t'aide pas. T'as 8 trucs dans les bras, il fait non, allez-y, bonjour, bienvenue. Et il t'aide pas du tout. Ah ouais, mais il peut pas trop t'aider, Ginger. Il y a toujours aussi le mec qui mesure tout et qui dit non, ça passera pas. Ah oui. Alors, on a mesuré, on a peur que Clément passe pas. Non, mais... On peut rigoler ou pas? Ouais. Ok, Pauline, au standard. Il y a toujours une fille qui propose de faire une chaîne. Qui dit allez, on fait une chaîne dans les escaliers. Ça ira beaucoup plus vite. Il y en a un qui se met en bas, il y en a un premier, machin, on se passe tous les cartons. Ouais. Et personne ne le fait jamais. Non, c'est bien pratique. Je la sens bien cet après-midi, déménagement. Les amis, on sera en direct devant notre nouveau studio. Il y aura Diane et Sébastien aussi avec nous qui seront de retour au téléphone. Ce sera évidemment toujours le 3916 pour nous joindre. Ce sera toujours le même numéro SMS loyer au 7-12-13 pour vous inscrire pour le loyer. Ça arrive dans 2 secondes à peine. Le tout nouveau Ziavner, You Belong. Il sera là aussi. Tout ce que vous aimez, j'espère, sera de retour demain. On sera dans ce nouveau studio. Ce sera une émission très spéciale. Puis je vous rappelle, un immense artiste international va venir dans quelques jours pour l'inaugure. Mais c'est qui? Oh là là là. Je peux pas encore dire. Non. Je peux pas encore dire. Rien. Allez. Moi, je crois que je sais. Est-ce qu'il y a un i dans son prénom? Oui. Ok. Allez. Ça veut dire quoi? Eh oui. Non, mais arrêtez de cuisiner, Camille. Je peux pas dire. Allez. Je vous dirai vraiment d'ici la fin de l'émission. Je vous dis. Ok. D'ici la fin de l'émission, je vous dis quel sera cet artiste qui viendra faire l'inauguration dans ce studio. Et il portera son nom le studio. D'accord. Oh, je suis comme un dingue. Les amis, restez avec nous. On revient dans un instant. Petite pause. On est là. Bougez pas. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo. Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarif, offre et de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en 2 minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en 2 minutes? Voilà. Mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr, c'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 35, service et appel gratuit. Qui habille, colore la vie. Pour que l'automne ne rime pas avec monotone. Oh, craqué pour les nouveaux pulls qui habille. Il y en a pour tous les styles et toute la famille. Pull à frange, imprimé jacquard, esprit kimono. Et pour vous, mesdames, ce gilet Milan à manches longues, 5 coloris à seulement 12 euros. Oh, les nouveaux pulls qui habille. Ça réveille l'automne. Du 28 septembre au 11 octobre. Conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Mariono. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle! Jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Mariono avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offres et conditions sur mariono.com. Mariono, la beauté qui me ressemble. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines! Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. C'est ça l'anniversaire Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Avec un temps toujours très agréable aujourd'hui à travers tout le pays, le soleil va bien briller sur la plupart des régions, notamment en la moitié sud, mais aussi le Grand Est. Des nuages accompagnés de fines pluies uniquement sur les côtes de la Manche. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Brest, 19 à Deauville, 20 du côté de Lille, 22 à Nantes, 23 à Rennes, Marseille et Nice, 24 degrés à Paris et à Chambéry, 25 à Perpignan, 26 à Lyon, 27 à Bordeaux et 28 à Toulouse. Très bon réveil. Virgin. Virgin Radio. Bieber au 88-484. Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R au 88-484. Accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Justin au 88-000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N, au 88-000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88-000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Kungs. Et Feder sont les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Salut, c'est Feder dans le Lab Virgin Radio avec Lionel. Are you ready? Les meilleurs artistes pop, rock, electro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Bien sûr que je paye votre loyer, c'est toutes les heures et tous les matins, en exclu. Eh oui, cherchez pas ailleurs, on est les seuls à vous soigner comme ça. 6h20, 7h20, 8h20, vous gagnez votre loyer. On vous rembourse votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, parce que mensualité de crédit par SMS était beaucoup trop long. Allez galérer, vous me laissez bien votre numéro de téléphone. On vous rappelle chaque heure. On réembrasse Alan, notre gagnant de 6h20, 830 balles pour lui. 7h20, Aurélie. Aurélie, 1020 euros pour elle. On a déjà offert bientôt, hein, pour 2000 euros de loyer ce matin. On espère que ça va continuer comme ça. Vraiment, je vous souhaite bonne chance à tous, quel que soit votre métier, quel que soit l'endroit en France où vous nous écoutez. Vous avez une chance de gagner. Vous me répondez simplement Virgin Radio et c'est gagné. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Jean-François. Jean-François, je peux t'appeler JF? Oh là là. Si tu veux, mais pas ouais. De problème. JF, mon pote. Oui. Quelle est la seule pote. Radio qui paye ton loyer? En réfléchissant bien, on peut dire Virgin Radio. Jean-François, c'est gagné. Tu viens d'où, Jean-François? De Meaux, en Seine-et-Marne. De Meaux, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis un peu comme le papa de Laure, je suis dentiste. Oh là là. Alors attends, Jean-François, ne nous annonce pas tout de suite le prix de ton loyer. Tu vas voir, il va casser les clichés. Oh là là, on est la radio officielle des dentistes. Hein. Et ouais. Le père de Laure est dentiste, le mec de Laure est dentiste. Ouais. Bon. En région parisienne, Jean-François, qui a gagné pour son loyer, qui a été tiré au sort comme vous tous, hein. Oui. On va connaître ton loyer, je t'avoue que là, le patron de Virgin Radio n'est pas bien actuellement. Il est en train de quitter le pays. Oui, Clément, juste avant, j'avais une petite question. T'es classé combien en golf? Oh, vous êtes lourd. Mais tous les dentistes, ils font du golf, non? Mais non, j'ai pas un copain dentiste qui joue pas au golf. Mais non, mais ça va. Dis-moi, je voulais partir en relais château le week-end prochain. Oh, dans une demi-succursale, si tu veux. Mais voilà. Attention. Il est temps d'y aller, les amis. Il est temps de savoir un petit peu plus. Jean-François, région parisienne, dentiste, tiré au sort pour le loyer. Attention, il va nous dire son... C'est bien les Baléares ou pas? Arrête un peu. C'est lassant à la longue. Je sais, mais en plus, je sais qu'on les embrasse parce que, voilà, on en parle quand même. Je crois qu'il n'y a aucune profession dont on parle plus que les dentistes avec l'or. Jean-François. Oui. On arrête, bon. Juste, si demain je devais acheter une Porsche, laquelle... Je sens que Jean-François, ça commence à l'agacer. Vous savez, c'est comme au collège. Au collège, il y a un truc. On s'est tous retrouvés un peu au fond de la classe à lancer des gommes sur la nuque du délégué de classe. Ah oui. Vous voyez. Et là, il y a deux écoles. Il y a le moment où ça commence à l'énerver qu'il en peut plus. Il y a l'école de « ça y est, faut s'arrêter ». Ouais. Pas du tout. C'est ce moment-là qu'il faut pas arrêter. C'est le moment où il commence à être accro, que tu sais que chaque gomme peut dégénérer. C'est là que ça devient amusant. Et là, je sens que Jean-François, il est un peu pas bien. Non, ça va. Ça va encore. Eh bien, oui, Clément. Et souvent, et on a la preuve dans le studio, c'est la fille du dentiste qui les prenait, ces gommes. Pas du tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Après, ça parle pas à Jean-François, qui j'imagine était à Harvard. Ouais. Mais Jean-François, quel est le montant de ton loyer? Il est temps qu'on le sache. Alors, c'est le remboursement d'un crédit, c'est 1013 euros. Oh, voilà, 13 euros. Et ben, je suis ravi de te faire le chèque, mon pote. Merci. T'es un amour. Et vraiment, Jean-François, on est très heureux que tu nous écoutes le matin. Et je suis très heureux de te faire le chèque, mon pote. Ah, mais je vous écoute. En fait, Virgin, c'est la radio que j'écoute à mon cabinet toute la journée en soignant les patients. Juju aussi. Ah, ouais. C'est énorme. Ouais. Et ben, écoutez, merci les amis. Hein. Donc voilà. Eh ben très bien. Bon, eh ben écoutez. Merci. Eh ben on est l'émission officielle sponsorisée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Voilà. On est ravis de ça. Je t'embrasse Jean-François. Merci Camille. Salut merci à toi Camille. Et tu nous écris des baléares. Hein. On t'embrasse mon bichon. Restez avec nous sur Virgin Radio. The Avenir. C'est le tout nouveau. You Belong. Ok les amis. Ouais. C'est ce qu'on écoute tout de suite. C'est une nouveauté. Et c'est un truc, je peux vous dire, ça va vous rester dans la tête. Ouais. Vous savez ce qu'on fait? Non. Appelez-nous maintenant 3916 sur les réseaux. Dites-moi. La chanson, ok. La chanson qui reste dans la tête. Ouais. D'accord. Je sais. On va faire un grand concours. Celle-là, okay. Je peux vous dire, ça va être un nouveau tube pour The Avenir. Vous m'appelez maintenant et vous me dites, cette chanson-là, c'est celle qui reste dans la tête. On fait tous un concours. Celui qui gagne repartira avec un soin dentaire. Reste avec nous sur Virgin. Bon réveil. The Avenir. Salut, c'est The Avenir. Vous allez l'entendre partout. Dès la première radio qui vous l'a joué. C'est Virgin Radio. But it's love then, but to drive a dead deer by its horns from the passing lane. Just to drive on, either to arrive or to escape, not to save someone. You belong to the cars, come on, leave. Pull your heels from the farthest corner you've been in. You belong to us, you belong to the cars, you are on. We were young ones, we were wilder in our dreams, in a race to fate. Now we've dried up, we no longer have our youth to stay from the past day. Were you mine? You were never the kind to call me yours. We're born afraid. So carry on, carry all your desire to a friend, to another name. You belong to the cars, come on, believe. Pull your heels from the farthest place and carry you. You belong to us, you belong to the cars. You were long time and no harm. Black shadows, I was purchasing a flight to an old rock town, town, town. The cars come on, believe. Pull your heels from the farthest place and carry you. You belong to us, you belong to the cars. You were long time and no harm. Réveille à tous, c'est jeudi, c'est le 29 septembre. Soyez les bienvenus, vous êtes ici à la maison, c'est le Virgin Tonic. Je pense très très fort à tous ceux qui déposent encore les enfants à la voiture. Là, à l'école, pardon, je ne les déposais pas à la voiture. Déposer les enfants en voiture à l'école. C'est les dernières minutes. Courage à vous tous, les mamans, les papas, vous aussi qui êtes déjà sur le chemin du travail. Soyez prudents dans un instant. Un point complet sur l'actu, comme tous les jours à 8h30 avec tous nos journalistes. Et puis juste après 8h35, enfin, le réponse à toute Clément. On entendra toutes les réponses des enfants à ces questions. Mais pour le moment, j'ai lancé un grand jeu concours. Oui. Un grand jeu concours entre nous tous. On va chacun d'entre nous, et vous aussi au 3916, hein, merci de participer, vous nous avez rappelé. On va essayer tous de trouver la chanson qui reste le plus dans la tête. Okay. Ouais. Cette fameuse chanson, quand vous l'entendez une fois, vous pouvez plus jamais vous la sortir de la tête. Ouais. Okay. Alors il y en a une dont on parle souvent évidemment, c'est la Reine des Neiges. Ouais, déjà, ouais, alors voilà une chanson qui reste tout le temps dans la tête. Mmh. Et maintenant, dès qu'on la met, je sais que je me fais incendier sur les réseaux. Ah oui. Eh bien on va chacun essayer de trouver la sienne. Laure, propose-nous, et puis on a du monde aussi au 3916. Tiens, on a Christine par exemple qui est là. Bonjour Christine. Salut Camille, salut à tous. Salut. Ma belle, et je m'excuse par avance pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. On va vous pourrir votre journée. Parce qu'on va vous mettre que des chansons qui restent dans la tête toute la journée. Laure, tu commences. Alors moi, c'est celle-là. C'est quoi ? Attends. Tu sais que... Voilà vraiment une chanson. Tu peux plus t'enlever de la tête de la journée. Mais un peu plus vite et fort. C'est Dieu, c'est qu'elle est partie vivre au Brésil, je crois. Moi. Attention. Donc Coxy Garçon. Ouais. J'avoue, voilà une chanson. Tu la chantes, tu l'as dans la tête toute la journée. Christine, tu nous as appelé au 3916 et je te remercie. On a eu le temps de mettre sa chanson de côté. C'est laquelle pour toi ? Alors moi, c'est celle dont personne ne connaît les paroles et qui fait Hé, Macarena. Allez, la Macarena ? Oui. Ouais. Tu peux plus tomber de la tête. Ah ouais. Macarena. J'avoue, une chanson qui reste dans la tête. Ouais. Mais Christine, ma chérie, et Laure, je pense que vous êtes encore un peu petit bras. Ouais. Ah, je suis d'accord. Ah, les amis, on cherche quand même le summum de la chanson qui reste dans la tête. Pardon, déjà vos deux chansons, elles perdent face à la Reine des Neiges. Ouais. Ouais, c'est vrai. Déjà. Le but, c'est de battre la Reine des Neiges. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, c'est dur. Concours de chansons qui restent dans la tête. Continuez de vous inscrire 3916 sur les réseaux sociaux. Clément, il va être très bon. J'en ai peut-être une. Moi, je vous en ai mis une, les amis. Vous pouvez plus jamais vous l'enlever de la tête. Vas-y. C'est pas pour la journée, c'est pour la vie. Restez avec nous. On joue avec vous, bien sûr. Vous êtes là sur les réseaux au 3916. On écoute Ed Sheeran dans un instant. On fait juste une petite pause sur l'actu et on est de retour avec vous. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une très belle journée en vue pour aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Des averses uniquement sur les régions bordées par la Manche. Soleil partout ailleurs, un mercure à 23 degrés en moyenne cet après-midi. Dans les Antilles, c'est autre chose, on retient son souffle au passage de Matthew. La tempête tropicale touche la Martinique, placée en alerte rouge. La Guadeloupe et elle en vigilance orange. Les fortes pluies et les rafales de vent ont déjà provoqué des dégâts en Martinique, qui a décidé de fermer ses écoles et ses crèches. Une cellule de crise est en place. Le ras-le-bol des surveillants pénitentiaire, il dénonce une dégradation de la sécurité en prison. Les syndicats appellent à des actions ce jeudi, notamment des blocages d'accès au site. Nos prisons accueillent 70 000 détenus actuellement pour 60 000 places. On va à la catastrophe, selon le syndicat UNSA Justice. La France va rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, un hommage national célébré le 14 octobre dans 15 jours à Nice, en présence du chef de l'État. Premier hommage décentralisé. La cérémonie devrait avoir lieu sur la colline du Château, un belvédère du Vieux-Nice. L'attentat du 14 juillet a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais. La réouverture ce matin de l'imprimerie de Dammartin en Goële, une inauguration très symbolique en présence de François Hollande. C'est dans ce bâtiment de Seine-et-Marne qu'avait pris fin le 9 janvier 2015 la cavale des frères Kouachi au de la tuerie à Charlie Hebdo. Le mondial de l'auto ouvre ses portes à la presse et aux professionnels ce matin à Paris, porte de Versailles. Pour le public, ce sera dès samedi et jusqu'au 16 octobre. La tendance est au gros SUV cette année, Peugeot 5008, Renault Koleos et autres Audi 5, Q5 et aux voitures électriques. Citroën y dévoilera la nouvelle C3 et Renault son nouveau Grand Scénic 7 places. Un œil sur les sorties jeux vidéo de la semaine. L'arrivée de FIFA 17 est dispo dès aujourd'hui sur PlayStation, Xbox, PC et Mac. Le jeu référence de football. FIFA 17 a gagné jusqu'à dimanche sur notre site virginradio.fr. Sortie aussi de Forza Horizon 3 qui vous emmène en Australie. Des courses de voitures avec un graphisme époustouflant. C'est dispo sur Xbox One et sur PC. Et puis demain, le hérisson le plus rapide du monde qui revient sur 3DS. Sonic Boom, le feu et la glace. Plus d'infos gaming avec bien sûr la revue Jeux Vidéo Magazine. En foot, juste deuxième journée de l'Europa League. Ce soir, Nice sur la pelouse russe de Krasnodar dès 19h, puis Saint-Etienne face à Anderlecht à 21h05. De son côté, le PSG a pris la tête de son groupe hier soir en Ligue des Champions en s'imposant 3 buts à 1 sur Ludogorets en deuxième journée. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Salut à tous les amis, courage à vous, 8h33, vous êtes sur Virgin Radio et on est surtout très très très heureux d'être là à vos côtés chaque matin à essayer de vous donner le sourire, vous qui partez bosser en ce jeudi, vous qui venez de déposer les enfants à l'école, on pense très fort à vous. Il y a Laure, yes. Il y a Clément, salut. Il y a Pauline du standard, coucou. Il y a Christine au standard, ça va ma Christine? Je vous rappelle, si vous nous rejoignez tout juste, on va pourrir votre matinée, je m'en excuse par avance, on est en train de chercher le morceau qui reste plus que tous les autres morceaux dans la tête. Ouais. Ok, on a parlé de la Reine des Neiges, on a parlé avec Laure de Coxy Garçon et quand même pour le moment je trouve que Christine est pas mal avec la Macarena. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ces chansons, vous savez, vous l'entendez une fois et vous dites j'en peux plus de chanter cette chanson, je l'ai dans la tête depuis ce matin. Je m'excuse par avance pour tous nos auditeurs. Je vais maintenant passer à Clément. C'est un grand concours. On a aussi Fabrice au 3916. Salut Fabrice. Salut tout le monde. Salut. Merci d'être là. Tu vas nous dire ce que tu penses de celle de Clément. Eiffel 66. Oh, Blue, 65. Mais oui. J'ai dit quoi? 66. Ouais, mais celle de l'année d'après, elle était délicieuse. Les amis, Clément, il vient de choisir un truc. Ouais. Ça, ça reste. Vous pouvez plus jamais vous l'enlever de la tête. Vas-y. Tu connais Fabrice ou pas? Non. Tu peux plus te l'enlever de la tête. C'est impossible de se l'enlever de la tête. Fabrice, t'as choisi quoi toi mon poteau? Moi j'ai choisi un truc que personne ne connaît pas non plus, c'est Makeba de Jane. Makeba. C'est vrai, tu peux pas te l'enlever de la tête. C'est vrai. Mais bon, elle est géniale hein. Ah, pardon, je préfère avoir ça dans la tête que ça. La chanson qu'on peut plus s'enlever de la tête. Je suis désolé de ruiner votre matinée, tout le monde. Ah, moi, j'en ai une qui sort. Tu peux plus jamais t'enlever de la tête. Vous français ou pas? J'ai droit à un générique télé. Ouais, bien sûr. Ouais. Je peux, Fabrice? Vous allez m'en vouloir, hein, l'équipe, vous tous qui m'écoutez. Hein. Je vais mettre un générique d'une émission télé. Ok, cette émission télé elle n'existe plus depuis bientôt 10 ans. Ah je sais. Est-ce cette qu'il... émission oh, télé elle n'existe plus. Je sais. Je vais vous le mettre ah. Et vous allez m'en vouloir, ah, non, vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Ah c'est sûr. Allez, toi tu pensais comme moi aux vachettes. Bah oui. Laissez. Les amis, c'était On a tout essayé et avec oui. Laurent Ruquier. Ah, bien sûr. Je pourrais plus jamais, je me suis fait moi-même. Je pourrais plus jamais me l'enlever de la tête, lui Pauline. Et lui il est fort pour ça parce qu'on n'est pas couché, c'est pareil, c'est oh oh oh. Ça te reste 10 ans dans la tête le truc. Je suis d'accord, tu penses jusqu'au lundi d'après. C'est ça. Oh là là, j'en ai une autre. Ouais. Quoi? Vous voulez ouais. Christine oui. Celle-ci. Allez, vas-y. Ah t'as gagné. C'est petit. Ouais. Tu peux plus t'enlever. C'est la pire. Je peux plus t'enlever de la tête celle-là. Laure. Ouais, attention, pas dans cette époque, j'ai la pire. Et tu tapes ce refrain qui te plaît. C'est et tu chantes, c'est ta façon d'aimer. Ce refrain qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Oh là là. Je crois que je pense que j'ai gagné. Je pense que tu gagnes. Mais vous savez quoi? Avec Disney. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ah, ça c'est pire. Pourquoi t'as fait ça, Fabrice? Ah ouais. Oh bah je sais pas. Fabrice, je veux plus jamais te parler de ma vie. Oh là là, je t'embrasse très fort, mon poteau. Merci d'avoir été avec nous au 3916. Merci aussi à Christine, à vous tous de jouer le jeu chaque matin. Tout de suite, on va écouter. On est très en retard, hein. Ouais. Mais on va quand même écouter le réponse à tout, puisque tous les enfants ont répondu à Clément ce matin. C'est parti. Réponse à tout. Très à la bon, mais vous l'adorez comme moi, ce rendez-vous. Clément descend chaque jour dans la rue, pose des questions aux enfants. Et bon courage, parce que le jingle du Réponse à tout, il reste aussi toute la tête dans la journée. J'ai demandé aux enfants pourquoi c'était cool d'être une superstar. Pourquoi c'est bien d'être une star? Bah parce que tu gagnes plein d'argent. C'est génial d'être une star, parce que tout le monde t'aime, tout le monde t'applaudit, et les fans t'envoient des cadeaux. Des fois c'est des bonbons, et ça fait grossir. C'est trop bien d'être une star, parce qu'on voit plein de champagne. On voit ou on boit? On boit. Tu bois plein de champagne toi? Non. Combien ça gagne une star? Je sais pas combien, mais beaucoup. À ton avis, donne un chiffre. Je sais pas, 100, 200. 200 euros? Ouais. Tous les mois? Plus, parce qu'il y a tous les spectacles, alors moi je dirais au moins vu tout le monde. Après ça dépend si c'est une star connue ou pas connue. Est-ce qu'il y a des stars pas connues? Bah moins connues que d'autres. Parce que les plus connues, les autres coûtent plus cher. C'est genre qui les stars super connues en France? Je sais pas, mais il y en a plein. Et les pas trop connues? Bah je les connais pas. Réponse à tout! Merci de jouer le jeu chaque matin, les enfants. Tout de suite, on écoute Ed Sheeran, Sing. Excellent réveil sur Virgin Radio. Merci de nous avoir rejoints si nombreux chaque matin. Hi, Ed Sheeran. This is Ed Sheeran from Virgin Radio. Virgin. Unique. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. Program. I want you to be mine, lady. To hold your body close, take another step into the no man's land. Before the longest time, lady. I need you, darling, come and set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I meant to drive home, but I took all of it now. Not sobering up, we just sit on the catch one thing, let's do another, nice kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le Virgin Tonic, c'est jeudi aujourd'hui. Virgin Tonic. Les amis, on n'a pas encore parlé de ce qu'il y avait à la télé ce soir. Oui. Oh là là là, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir quand même? Vous qui êtes peut-être encore en train d'aller au boulot, vous qui êtes bloqués dans les bouchons. Eh bien, je vais vous dire, c'est le retour sur TF1 de Laetitia Millot. Ah, elle est belle. La vengeance, elle est comment la vengeance? Elle est aux yeux clairs. Bien sûr. Les yeux foncés, on connaissait. Vengeance aux yeux clairs, c'est plus rare. Vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. C'est un plat, maintenant c'est des yeux. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a Envoyé spécial. Ouais. Ah, sur quoi? C'est toujours pareil, ça doit être sur qui a pris de l'argent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cold Case, j'adore Cold Case. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un. Ah, on n'a pas fait Cold Case depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Alors, Cold Case, vous connaissez la série, hein, c'est. En fait, il règle des affaires non classées. Ouais. Et donc, on aime bien le faire avec. je sais pas, par exemple, on va se faire avec notre chérie ou quoi, je sais pas. Par exemple, votre chérie, un truc que vous avez jamais résolu, vous lui en voulez toujours. On appelle ça une affaire non classée, un cold case. Laure, je suis sûr qu'il y en a avec Juju. Ah oui, il y en a beaucoup, mais là, c'est lui qui m'en veut pour le coup, c'est l'affaire du collier de la Saint-Valentin. Donc, il m'avait offert Ça sent mal, celle-là. Alors, attention. Pour notre deuxième Saint-Valentin, il m'a offert un collier immonde. Donc, très gentiment, j'ai accepté le cadeau avec le sourire et je suis allée le changer sans lui dire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça me vexe pas du tout si j'offre un truc à ma chérie. Moi, j'offre toujours ce qui me plairait à moi. Bah oui. C'est-à-dire un truc. Mais ce qui lui plaît à elle. Mais je veux dire, si je veux lui acheter une fringue, je choisis une fringue qui me plaît aussi. Ouais. Parce qu'elle veut un truc qui me plaît pas du tout, je vais pas lui acheter. Bah voilà. Et moi, je trouve que quand on fait un cadeau, la moindre des choses, c'est de laisser la possibilité de changer. Parce moi, que ça sinon, me vexe pas du tout. Bah voilà. Et bah, ça fait maintenant 3 ans qu'il m'en veut encore de cette histoire. Oh, c'est pas et bien. À chaque fois que je mets le colis que j'ai changé, il me dit, il est affreux. Mais Clément l'a récupéré, il lui va super bien. Exactement. Non, mais ce que je fais, moi, j'offre toujours des cadeaux qui me plaisent. Si la personne ne veut pas, je récupère. Et d'ailleurs, les robes de ta chérie, si elle ne veut pas, je les prends avec plaisir. Ouais, Clément, il offre des planches à voile là. Ouais. Écoute, je m'en servirai cet été, qu'est-ce que je te dise. Oui, Pauline, au standard. Non, mais il y a des règles quand même. C'est-à-dire que si elle lui avoue qu'elle l'aime pas et qu'elle le change avec lui, ok. Si elle le fait en cachette, non, ça craint, j'aime pas. C'est... Ah bon? Oui. Oh, bah, je voulais pas lui faire de peine. Bah, c'est fait. Moi, ça me ferait pas de peine. Non. Bah non. Non, bah, non, franchement, cadeaux, tu peux alors. Changer. Non. Pauline, est-ce qu'il y a une histoire encore non élucidée avec ton nouveau chéri? Avec William, oui, il y a non, l'histoire. Non, pas William. Willou, la cartouche à ça. Bon, ok, je le dirai comme ça maintenant. Non, on reparlera plus de l'histoire de l'itinéraire. C'est-à-dire que cet été, on est parti en voiture. Et il a acheté une super belle carte de France. Et en fait, j'ai fait l'itinéraire sur mon portable en cachette. Donc j'ai coupé le son pour pas que le GPS parle. Et en fait, il m'a grillé. Pourquoi il voulait être sur les vieilles cartes? Ah ouais, parce qu'il aime pas l'itinéraire. Il dit que ça y est, on connaît plus les routes, on regarde plus la route. Non, quand mais on... quel ringard. Non, mais sérieux, il veut être encore sur le truc de faut prendre la RN24 et tout. Oui, il est à fond. Et il adore. Il a des millions de cartes. Et il veut qu'on fasse toute l'Europe avec des cartes. Et voilà. Et moi, je veux le faire avec mon portable. Bah, je comprends. Moi, je suis pareil. Oui, Nico, du bureau. Moi, j'aime bien garder une petite carte dans la voiture. Petite carte. J'ai une petite carte plastifiée. Il faut qu'elle soit plastifiée si jamais il pleut, etc. Et puis surtout, t'as une vision globale de là où tu vas, en fait. Non, parce que sur le GPS, il faut toujours dézoomer. Je connais Nico du bureau. C'est le gars, il a encore les cartes qu'on a, nous, en primaire. C'est avec les reliefs. Il a ça dans la voiture. Il a sur le Mont Blanc. Cette hauteur. Oui, Pauline. Je comprends pas le rapport avec la pluie. C'est-à-dire que tu roules en décapotable. Bah oui, pourquoi il te la faut plastifier? Parce que généralement, tu la regardes quand t'es sur le capot que t'es perdu. Ah. C'est écrit dans un film américain. Quoi. Il s'arrête dans une contre-allée, mais sur le capot. Alors les enfants, on en est où? Papa est perdu, mais papa va trouver la solution. Attention, tiens, on a Hugo qui est avec nous au téléphone. Bonjour Hugo. Bonjour Camille, salut l'équipe. Salut Hugo, je suis ravi de t'entendre. J'embrasse nos standardistes qui ont écrit ton nom comme un pansement. Ils ont pas mis le H. Ah mince. Oh, t'es un médicament. Hugo, mon bichon, je suis ravi de t'entendre. Est-ce que toi aussi t'as un cold case avec ta chérie, une affaire non classée? Une affaire non classée? Oh oui, j'en ai une. Écoute, moi je suis avec Laetitia depuis 3 ans. Et au tout début de notre relation, sur les 3 premiers mois, elle était très très souvent avec un mec qui s'appelle Max. Qu'elle voit plus maintenant et elle m'a toujours assuré que c'était juste un ami. Et quand j'essaye de lui en parler, elle met le sujet sur le côté. Elle me dit non, mais c'est un ami. Et je lui dis mais c'est allé plus loin, il y a eu quelque chose, t'as fait le choix entre lui et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a jamais rien voulu m'avouer. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu un délire. Ouais. Ma fille, il y a eu un délire. Clément. Bon. Surtout que tous nos amis disent que notre fils ressemble à Max, c'est hyper gênant. Quoi. Il dort souvent à la maison et elle préfère dormir avec lui comme ils sont très proches. Ouais. Ils doivent faire des soirées diapo, je les entends crier. Ils doivent se faire des bons souvenirs, quoi, j'imagine. Oui, Pauline. Bah, si elle le voit plus, c'est le passé. Donc, enfin, c'est pas très grave, quoi. On est obligé de tout se dire. Ouais. Bah, quand même, je trouve que si tu dis rien, c'est qu'il y a un dossier. Ouais. Moi, je rejoins Hugo quand même. Oui, Clément. Bah, si elle le voit plus, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Sinon, c'est ça veut dire surtout qu'elle est myope. Ouais. C'est le problème, oui, alors. Mais moi, au début de notre relation, j'ai un copain comme ça qui est devenu un très bon copain, mais avec qui j'ai eu un petit flirt. Ben, j'ai jamais osé le dire à Juju, encore aujourd'hui, je lui ai pas dit. Et en fait, c'est pas parce que c'est ambigu que je l'ai pas dit. C'est parce que je l'ai pas dit au tout début. Donc si je le dis Et puis après, ça deviendrait plus un pote, tu pourrais plus trop le voir. Et voilà. Donc j'ai rien dit. Voilà. C'est... Donc t'as raison, veux me le dire à la radio. Ouais. T'es plus tranquille, t'as raison. Hugo, je t'embrasse très fort, mon poteau. Reste avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on écoute DJ Snake. Let me love you. Oh, voilà, je répète chaque soir, Laure. C'est parti, on écoute, bienvenue. This is Justin Bieber. This is DJ Snake. I used to believe

les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit. Tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en deux minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en deux minutes? Voilà. Mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 3015, service et appel gratuit. Virgin Radio. Virgin Radio. Am I gonna know? Il lac se dessine. Courage, c'est fort. Où rien ne respire. Corps contre corps. Ciel contre cime. La forêt se tord. L'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Si demain tu regrettes, le miroir écorché, que le lac te reflète, promets-moi d'oublier, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps, qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Exactement, bienvenue à vous tous, peut-être déjà arrivés au bureau, peut-être de bonne humeur, grâce à nous, grâce au Virgin Tonic, envie de payer une tournée générale de café, puis c'est à ce moment-là que vous dites, ah ben il n'y a pas de monnaie, en fait, ce sera pas possible. Les copains, on est de tout cœur avec vous, en tout cas, c'est jeudi, aujourd'hui, on pense très très fort à vous. Il y a Pauline. Coucou. Il y a Clément. Salut. Il y a Laure. Salut. Il y a Nico, il y a Ginger. Oui. Hello. Il y a vous tous aussi au 39-16, c'est Sarah qui a été tirée au sort ce matin pour jouer avec nous. Salut Sarah. Salut Sarah, ma belle, attention. Oui. Tu vas pouvoir repartir, tu vas jouer un jeu qu'on aime beaucoup, c'est le Papu au Clobord. Ah. Et il y a plein de cadeaux en jeu, tu repartiras avec un de ces cadeaux. Le principe est très simple. On a un immense verre gradué, il est ici devant moi. D'accord ? D'accord. Je vais verser du liquide dans le verre. Tu as droit à deux stops. D'accord ? Dès qu'il dit stop, le cadeau qui est au-dessus du niveau là, c'est le cadeau que tu auras. T'as le droit de t'arrêter ou t'as le droit de me dire encore et tu auras le droit de t'arrêter deux fois. Je vais t'offrir peut-être ce matin un iPhone 7, une PS4, un iPad mini, un os rongé par mon chien, c'est sérieux, on l'a. Une mèche de cheveux de Pauline ou ton poids. Hein. Oui, c'est ça, ou ton poids en pile rechargeable. Oh punaise. Eh oui, ma chérie. Il va y en avoir du lourd, hein. Alors, dans tout ce que je viens de te dire là, d'accord, ce n'est pas forcément l'ordre dans lequel ils sont inscrits sur le verre, c'est important. Bien sûr. D'accord. Et dès que tu entends ce bruit, ça veut dire qu'un palier est passé. Après, c'est peut-être la PS4 ou c'est peut-être juste la mèche de cheveux. Ma chérie, je te souhaite bonne chance. On démarre? Ouais, super. C'est le pas plus haut que le bord. On est parti. C'est un très grand verre, hein. D'accord. Je rappelle, il y a 6 cadeaux. On y va. Premier palier passé. Stop. Hop. Stop le bord. Là, tu t'es arrêté directement au deuxième palier. Ouais. Ouais. Deuxième palier, il est sur le point d'être passé, le deuxième palier. Hein. D'accord. Donc pour le moment, je te dis déjà ce que tu n'as pas gagné. Parce que le premier palier est passé. Quoi qu'il arrive, c'est perdu maintenant. C'était ton poids en pile rechargeable. Oh mince. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est derrière toi. Non. En revanche, regardez bien, on est pile sur le deuxième palier. Donc c'est le cadeau que là, je vais t'offrir maintenant. Et tu auras le droit de t'arrêter. Ou tu auras le droit de te dire non, je veux tenter une deuxième chance. Pour le moment, je t'offre, tout écrit, une PS4. Ah, waouh. Wow. C'est un ouah qui dit je vais continuer. On est un petit peu les fables. Oui, Nico du bureau. Souvent, on a tendance à s'arrêter très vite sur Pablo Clubbar, alors qu'en fait, il y a quand même 6 paliers. Donc, mais ça veut pas dire que le dernier palier, il y a le beau cadeau. Oui, oui, oui. Attention. On y retourne ou tu t'arrêtes là, ma chérie? Allez, on retourne, soyons fous. Alors, si je fais le calcul, il reste un iPhone 7, il reste un iPad mini, un os rongé par mon chien, une mèche de cheveux de Pauline, et tu as renoncé déjà à une PS4. On y retourne, c'est parti. Le deuxième palier passé, donc la PS4. Troisième palier passé. Hop. Tu t'arrêtes là? Ouais, je m'arrête là. Quatrième palier de passé, donc quoi qu'il arrive, c'est le cinquième cadeau que tu as gagné. D'accord. Tu l'as compris, le premier palier, c'était ton point pile rechargeable. Le deuxième, tu y as renoncé, t'as pas voulu ce cadeau. Oui, oui. T'as renoncé à une PS4. Je sais. Tout est là, hein. Le verre, on va le prendre en photo, vous verrez que tout est là. Ensuite, le troisième palier, t'as bien fait de pas t'arrêter. Il a sonné, c'était un os rongé par mon chien. Ouf. Mon chien aurait aimé ça. Le tout dernier palier, si tu t'étais pas arrêté là, le tout dernier, je te le dis, c'était un iPad mini. Oh mince. Le tout dernier, le sixième palier, c'était l'iPad mini. Ouais. Donc, tu l'as compris. Il y a un palier que t'as passé et un palier sur lequel tu t'es arrêté. Et malheureusement, malheureusement, le palier que t'as laissé passer, le quatrième palier, c'était le pack Brossard avec le séjour à Paris pour la Big Brownie Party avec comme artiste David Brownie. C'est pas rien. Des Brownies illimitées. Ça, on le remange demain. Mais oui, oui. Demain, on a un paquet de pack Brossard, mais de dingue. Demain, toutes les heures, on vous offre l'iPhone 7. Ouais. Ok. Wow. Toutes les heures, demain, on vous offre l'iPhone 7 pour également inaugurer notre studio. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Demain, en direct, on inaugure. Oh là, c'est dur à dire ça. On inaugurera notre nouveau studio, les amis. On est comme des dingues. Hein. Vous savez, il y a des photos de vous partout dans le studio. Voilà, on va passer une matinée exceptionnelle. Merci les copains d'avoir été là. Oui. Merci. Déçu pour Sarah. Oh ouais. Vous qui m'écoutez, ça veut dire iPhone 7 toutes les heures demain matin. Je vous souhaite bonne chance. Il y aura aussi une question de ouf demain, Clément. Exactement. C'est quoi votre technique pour arrêter de fumer? Mais pas les techniques qu'on connaît, les patchs, les trucs. Une technique bien à vous pour essayer d'arrêter de fumer. 01 84 07 08 09, c'est le numéro où il faut laisser vos messages. On écoutera tout ça tous ensemble demain. Pierre Alex maintenant pour une matinée de pop rock électro. Un point sur l'actu, bien sûr. Et c'est les Strumbellas qui arrivent pour vous dans un instant. Je vous souhaite un très très bon réveil. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici à la maison. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, des averses aujourd'hui sur les côtes de la Manche, sinon ce sera du grand soleil sur le reste du pays. Un mercure à 20 degrés en moyenne ce matin, ça grimpera jusqu'à 29 cet après-midi du côté de Toulouse, 23 à Marseille et 27 à Bordeaux. La Martinique en alerte rouge, la Guadeloupe en vigilance orange, les Antilles sont secouées depuis hier par la tempête tropicale Matthew. De fortes pluies, des orages, des vents violents et une mer agitée. Déjà 20 000 foyers privés d'électricité, une cellule de crise est mise en place. Les prix des carburants devraient rapidement remonter en flèche. C'est l'objectif en tout cas des pays de l'OPEP qui ont décidé hier soir et à la surprise générale de limiter la production de pétrole. Moins de barils disponibles, c'est donc automatiquement de l'essence plus chère à la pompe. Ça nous amène au mondial de l'automobile qui ouvrira ses portes au public samedi à Paris. Parmi les grandes tendances de cette année, les SUV de grande taille et les voitures électriques. Renault pourrait annoncer un doublement de l'autonomie de la Zoé jusqu'à 300 km. Le mondial de l'automobile du 1er au 16 16 octobre, porte de Versailles à Paris. François Hollande sera à Nice dans 15 jours, le 14 octobre, pour un hommage national aux victimes de l'attentat djihadiste du 14 juillet. 86 morts et plus de 400 blessés. Ce sera la première fois qu'un hommage national sera décentralisé. La grande méfiance face à la vaccination, c'est la une du Parisien ce matin. La France est le pays au monde où l'on doute le plus de l'efficacité et de la sécurité des vaccins. Les médecins sont complètement dépités, d'autant que certaines maladies que l'on pensait éradiquer reviennent en force, comme la rougeole ou les oreillons. Les drapeaux seront mis en berne aujourd'hui en Israël. Un hommage à Shimon Peres, décédé hier à 93 ans. Sa dépouille sera exposée au public aujourd'hui à Jérusalem. Israël se prépare à recevoir de nombreux dirigeants de la planète demain pour les obsèques. La nouvelle formule d'envoyé spécial ce soir sur France 2, une émission désormais présentée par Élise Lucet, qui a tenu à remettre l'investigation au cœur du magazine. Envoyé spécial débute avec un sujet sur l'affaire Big Malion. Pas de grandes révélations, mais les confidences de l'organisateur des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Les Trois Mousquetaires, adaptés en comédie musicale. La première, c'est ce soir au Palais des Sports de Paris, avec Olivier Dion, Damien Sarg ou encore Brahim Zaibat. Les Trois Mousquetaires, à découvrir donc dès ce soir sur la scène parisienne du Palais des Sports et puis en tournée partout en France l'an prochain à partir de février. Le PSG est désormais à la tête de son groupe à l'issue de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens sont allés s'imposer 3 buts à 1 hier soir à Sofia en Bulgarie face à Ludogorets. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Pierre-Alex, bon réveil. Nous sommes les Strombellas et vous écoutez Virgin Radio. Virgin Pop Electro. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Radio, bon début de matinée, bienvenue, c'est Pierre-Alex avec Taylor Swift qui arrive. Et alors si on regarde là ces derniers mois, c'est vrai qu'on a plus parlé de ces histoires de cœur que d'autres choses à Taylor Swift. Alors parlons un petit peu musique, parce que j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Elle est de retour en studio pour enregistrer un nouvel album. Elle a même dévoilé un mini extrait de ce nouvel album. Et vous savez quoi, je vais vous le mettre immédiatement sur mon Twitter, Pierre-Alex Virgin. Taylor Swift qu'on va écouter dans un instant. Et vu que Virgin Radio, c'est la radio qui vous joue avant tout le monde les meilleures nouveautés pop rock électro, le dernier Lost Frequencies sera aussi là. L'une des stars du prochain électrochoc le 6 octobre au Zénith de Paris. Les dernières places à gagner en plus avant midi. Hein. Restez là, Lost Frequencies qui se prépare avec aussi Coldplay et Nash sur Virgin Radio. Bienvenue. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts pour le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la Halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite, maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin et sur lahalle.com. W9 présente l'UEFA Europa League en exclusivité, en clair et en direct. Retrouvez le deuxième match de poule Saint-Étienne-Anderlecht ce soir à 20h55, suivi de 100% foot présenté par Karine Galli, avec les analyses et commentaires d'invités passionnés de football. L'UEFA Europa League, commenté par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri, en clair et en direct à la télévision, c'est uniquement sur W9. Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 €, avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Nouveauté. Virgin Radio. De regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là.